Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans la boîte à grains, c'est le deuxième jeudi du mois. Et maintenant, vous le savez, on va recommander des choses avec les différents invités qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a la Dream Team, n'est-il pas, puisqu'on a d'un côté de moi, Bichente, ça va ? Ça va et toi ? Ben, ça va fort bien, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Mais une émission, j'ai loupé, non ? Oui, t'as loupé une émission, et quelle émission ? Et quelle émission ? Que tu n'as pas écouté. Alors, j'ai pas eu. Alors, je t'avais dit que j'allais écouter aujourd'hui au boulot, j'ai pas eu le temps, mais il paraît qu'il y a eu de la poya dans le. Il y a eu une petite dédicace pour toi. Grosse dédicace. Alors sache que maintenant qu'on l'a fait, ça ne passera plus jamais. Mais c'est abusé, quand je suis pas là, vous en mettez, quand je suis là, vous m'interdisez quoi. Oui, justement. Ah là là, c'est vraiment incroyable ce qui c'est se passe. C'est dégueulasse. De l'autre côté, je suis avec Sébastien, comment tu vas ? Ah bien, et toi ? Ben ça va très bien, toujours présent tous les mois toi. Ah ouais. Toujours, toujours quelque chose que je dois trouver, ça devient difficile parfois de trouver des sujets ? Eh oui et non, en fait, je le disais hier à Manuela. J'avais le je sais pas une bonne étoile qui me pouf me pendait des sujets comme ça par magie. C'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui voilà. Aussi des sujets non mais des bons sujets oui ouais, apparemment c'est sorcier parfois. Ah oui bah, voilà, c'est pas mal ça. Non en fait c'est nul. Troisième invité qu'on aura aujourd'hui, ça sera Manuela qui est pas encore là, qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Elle aussi elle a trouvé deux sujets et on en parlera avec elle tout à l'heure, mais pour l'instant c'est parti pour le générique, on est dans la boîte à gants. Et Bichente, on va commencer avec toi. Oui. Avec ton premier sujet, celui qui aura un extrait. Oui. Et tu veux nous parler d'un groupe que tu as connu cette année. Toi, tu m'as fait découvrir en tout cas, c'était en juillet, je crois. Ou en non, peut-être. Je t'ai fait découvrir ça en février, je me souviens très bien. C'était si tôt que ça ? Ouais. Oh là là, je l'écoutais, Le temps passe. Tu veux que je te raconte vraiment l'anecdote ? Ah, s'il te plaît. En fait, je partais à Paris. Oui. Et pour un week-end. Et dans le train, du coup, j'écoutais la musique sur Spotify, pour pas les nommer. Mm-hmm. Et je me suis écouté la playlist du. Ils font une super playlist de tous les groupes qu'ils ont, le Hellfest. Mmh. On rappelle que le Hellfest est cancel. Hein. De quoi ? Le Hellfest, festival, faut plus y aller, c'est fini ça. Pourquoi ? Bah parce que c'est des trous ducs. Ah ouais ? Moi, je sais pas, oui. J'y suis jamais allé. Donc, mais en tout cas, leur playlist était plutôt pas mal. Ils ont une bonne prog. Enfin, donc, à part Johnny Depp. Et donc, du coup, dès février, il y avait la programmation de à peu près tous les groupes qui étaient programmés au Hellfest. Et donc, il y avait une chanson dedans. Et donc, j'ai écouté. Et c'est fait par scène. Et donc, du coup, moi, j'ai écouté La Warzone. La Warzone. Où il y a principalement du punk. Punk, hardcore, tout ce qui est vraiment ça tabasse quoi. Ouais. Et donc du coup, je suis tombé sur ce petit groupe qui s'appelle Poésie Zéro. Mm-hmm. Et je t'ai fait écouter Mathilde. Ouais. Et étonnamment. Et étonnamment, j'ai beaucoup. Parce que c'est du punk. Ouais. Et t'as bien aimé. Beaucoup, je sais pas. J'ai bien adhéré au délire. Ouais. Quoi. T'as même passé, quand je suis venu boire l'apéro chez toi, t'as même passé tous les albums d'affilée. C'est possible. Toutes les musiques. C'est possible. J'ai mis l'aléatoire sur Spotify pour ne pas les nommer. Exactement. Et donc, tu voulais parler de Poésie Zéro. Voilà, c'est exactement ça. C'est un groupe qui s'appelle Poésie Zéro, qui entre-temps a sorti deux albums en deux jours, en mars, il me semble. C'est possible. Cette année, là, ils ont sorti deux albums en deux jours. Oui, deux albums en deux jours. Après, c'est des albums de 20 minutes ou 25 minutes, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous nommer les albums, Michente ? Alors, c'est l'album bleu. Oui, et l'autre, c'est quoi ? L'album bleu. D'accord. Mais pas écrit pareil. Pas écrit pareil. Du coup, je suis allé voir un peu aujourd'hui. Ils ont 7 albums, 7 ou 8. Ouais. Il y en a deux qui s'appellent pas l'album bleu. Ouais, il y a l'album rouge. Il y a le premier qui est un vrai nom de groupe de punk normal. Il y a l'album Poésie Zéro. Mais alors, il y a eu le premier album qui est sorti en 2013, je crois. C'est possible. Le groupe est de 2010 en tout cas. Voilà, mais le premier album est sorti 2012 ou 2013. Ouais. Et après, il n'y a plus rien eu jusqu'à 2017. Et en 2017, il y a eu 6 ou 7 albums peut-être. Restructuration. Ouais. Album ou c'est plutôt au format EP avec 6-7 titres Non, il y en a une dizaine, 10-12. Ouais, après, c'est du punk, donc c'est très court. C'est beaucoup des conneries, du coup, c'est plus presque des chansons à concept, quoi. C'est la Ultra Vomit, en gros, si on le prend dans métal. Non, alors. Dans le sens que chansons très courtes. Mathilde, il dit que c'est des conneries, mais moi je trouve que c'est pas que des conneries, je trouve que c'est très politisé quand même. Oui, c'est très politisé, mais c'est pris sur un temps très second degré, voire presque naïf. D'accord. Ben en fait c'est Poésie Zéro, je trouve que ça leur va bien. Oui oui, c'est très très bien. Et puis ils prennent quelque chose qui est pur, voilà, ils prennent des paroles simples, efficaces, ils foutent du gros son derrière. un peu vraiment punk, qui est pas trop mal fait. Je crois qu'il y a qu'un guitariste. Et après, le reste, c'est un DJ qui... Alors, est... ouais, de ce que j'ai vu, c'est à la base, c'était un vrai groupe, entre guillemets, à savoir batterie, basse, guitare, chant. Et je pense qu'il y a dû se passer, comme tu disais, quelque chose après les premiers concerts, où du coup, il y a un chanteur, un guitariste et un autre qui est à la boîte à rythme et au... Parfois, il y a des synthés, trucs un peu grands. Ouais, machine, quoi. Ouais, voilà. Ouais, machine. Mais quand on dit machine, c'est vraiment le poète-poète des années 80 qui est en ton garage. Mais ça marche bien. Hein. Ça marche très bien, c'est volontaire, hein. C'est volontairement dégueulasse. Ouais. Ça marche très bien. Notamment, par exemple, sur la reprise qu'ils ont faite de HKP, qui est, je trouve, un très bon titre où ils reprennent, où ils gueulent en plus la guitare, la trompette. C'est vraiment la reprise de HKP que des ados feraient dans un garage avec un synthé pourri, la traduction littérale des paroles avec zéro rime. À part, ils disent à la place de « Seigneur », ils traduisent ça par « Seigneur ». Ah ouais, ouais. Ah ouais, oui, peut-être, oui. « Seigneur », »,« Oui, Seigneur », oui, oui. Voilà, c'est vraiment la traduction littérale du truc, c'est vraiment ultra bête et vraiment le synthé poète-poète pour faire le cuir, c'est très très drôle. Non, okay. Voilà. Et donc, ils ont sorti plein de l'album bleu qui s'écrit jamais vraiment pareil. Le premier, c'est l'album bleu avec le bleu sans majuscule. Deuxième, c'est l'album bleu avec le bleu avec majuscule. Après, c'est parti en couille avec le tout en un seul mot. Il y a l'album aussi à un moment. Je crois qu'il y a un L qui se balade quelque part. Et après, à chaque fois, après, il y a l'album rouge. Mais au début, il y avait l'album rouge qui était bleu. Après, l'album bleu qui était rouge. Après, il y a l'album bleu qui était jaune. Après, il y a du vert aussi. Ouais, en fait, il change de couleur. Il y a toujours écrit l'album bleu dessus. Ou l'album... Est-ce que cette référence à l'album bleu fait un clin d'œil aux Beatles? Oh, peut-être. Parce qu'ils ont un album qui s'appelle. Non, c'est l'album blanc, les Beatles. Il y a le bleu, il y a le rouge, ils vont le rééditer là, apparemment. Non, mais c'était pas le nom. C'était pas le nom. Non, le bleu et le rouge, c'était pas le nom officiel, c'était le best-of. Oui, mais. C'était pas le nom officiel. Oui, mais c'est. Quoi que cela dit, l'album blanc, je suis pas sûr que c'était officiel non plus. Ouais. L'album noir de Metallica, qui je crois pas que c'est que le nom officiel de. Du Black Album noir. Non, ouais, normalement c'était Metallica. Ouais. Mais. Un éponyme, quoi. Mais par contre, là, c'est vraiment écrit l'album bleu de plus en plus, n'importe comment. D'accord. Et moi, ce qui m'a plu par-dessus tout dans ce groupe, c'est vraiment la politisation du groupe. C'est-à-dire que c'est vraiment. C'est vraiment le punk, mais d'extrême gauche, qui vient des mouvances Antifa de Paris, et du coup qui s'inspire de ça, des mouvements Black Bloc. Ils ont une chanson, Black Bloc, dans le club, qui est d'ailleurs très électro et qui est pas mal. Et moi, leur discours me plaît beaucoup parce qu'il est à la fois très politisé, très à gauche. Et extrêmement simple, c'est vraiment la base du, je trouve la base du truc, on revient aux racines. C'est ça. Les fachos, c'est des fachos. Oui. Les gentils, c'est les gentils. Les méchants, c'est les méchants. Oui, voilà, c'est ça. Ils ont une chanson, un truc de sale nazi de merde, où ils expliquent que mettre des Doc Martens avec des lacets blancs, c'est des trucs de fachos. Ils expliquent que porter du Fred Perry, c'est des trucs de hipster déguisés en nazi. Enfin, voilà. Ils disent plein de trucs comme ça et ils disent c'est des trucs de sale nazi de merde. Et c'est très simple et c'est à la fois très drôle et très bien fait. Okay. Tu as choisi une chanson, Michel? Oui, Dans le caniveau. Dans le caniveau, on l'écoute, tu nous dis pourquoi après? Oui. Pourquoi on écoute ça? Dans le caniveau, donc, de Posé Zéro sur, j'imagine, l'album bleu. Oui. Yeah. Dans le caniveau, c'est une chanson de l'album Bleu de Poésie Zéro. Exactement. Qu'est-ce qui te plaît dans cette chanson, Vicente? Pourquoi celle-là, parmi toutes les chansons qu'ils ont sorties? Je sais pas, le texte, j'aime bien, il me fait rire. Et puis moi, je travaille dans les égouts en ce moment. Je fais. Tu es un peu une tortue ninja. Voilà, exactement. On est quatre dans ma boîte à faire ça. Et voilà, on s'appelle Tortue Ninja. Tu es lequel? Donatello? Moi, je suis le rouge, toujours été le rouge. C'est quel rouge? J'ai le micro rouge. C'est Raffaello. Ça, ouais, moi, j'avais Raffaello. C'est vrai que t'as le micro rouge. Ouais, j'ai le micro rouge, je suis la Tortue Ninja rouge, j'ai le bout du gland tout rouge. Non, mais ouais. Je vais devoir faire du montage après ça. Non, ça, tu vas le laisser quand même. Je sais pas, je dirais. Qu'est-ce qu'il a comme arme, Raffaello? Je sais plus. J'ai beaucoup regardé quand j'étais gosse et j'ai oublié. Ah, j'ai oublié le nom, c'est les tridents là. Trident, là, ouais. C'est un nom, j'ai oublié le nom. En plus, je les connaissais tous par cœur là, mais putain, j'ai oublié. Et ça m'a fait rappeler quand j'écoutais que j'aimais beaucoup la voix du chanteur. Ouais. Qui est. Alors, je t'ai demandé, Mathilde, ton avis, parce que moi, je serais que quand j'écoute du punk, du truc, je me pose pas trop la question si c'est bien fait. Tu me disais quand même que pour toi, il venait du hardcore et qu'il maîtrisait quand même assez bien sa voix. Je pense que le groupe vient du hardcore. Parce que déjà, il y a un son méga massif. Et puis, il y a certaines chansons, c'est juste du hardcore avec c'est une batterie méga. Ah, hyper donc rapide. C'est ça. Tout pas. J'allais en parler de la voix. En fait, il m'a rappelé un petit côté Didier Van Passe. C'est un peu la même voix, quoi. Ouais. Et ce côté aussi un peu vénère ou quoi, ouais, c'est vrai que ça ce côté hardcore, parce que j'ai dit oh putain, ouais, c'est, on dirait presque sa voix, c'est presque l'identité du punk français, quoi. Mais ouais, c'est plutôt hardcore. Je trouve que c'est faussement mal fait, dans le sens où on dirait qu'il gueule juste comme un porc, sauf que si tu fais ça tu tiens pas 4 minutes. Et donc lui, il maîtrise sa voix pour faire croire qu'il juste il braille comme un goré, alors qu'en fait je pense que c'est quand même très très maîtrisé. Oui. Mais je pense que voilà, il arrive à la faire partir à maîtriser le fait qu'elle parte en couille. Ouais. Je trouve que il y a des moments où justement il part un peu dans les aigus pour il casse volontairement la voix pour un petit côté un peu plus comique, un peu plus arrache, mais à mon avis toi c'est assez maîtrisé. Ouais, parce qu'il y a plein de moments il est borderline de je vais partir faux, tu vois. Mais jamais, et ça amène vraiment une touche qui est vraiment très très sympa, quoi. Ouais. Donc moi j'ai découvert et j'ai bien aimé, je comprends mieux le délire de quoi vous parliez avant, parce que j'avais pas fait mes devoirs, j'avais pas écouté avant ce soir. Bravo. Écoute, on peut pas tout faire, hein. Et j'ai bien aimé, donc je vais jeter une oreille aussi. Ouais. Et pour ceux que ça intéresse, il y a leur concert live au Hellfest, justement, que j'avais regardé. Alors, à vrai dire, je trouve que ça rend pas terrible à la télé. Non, j'ai commencé à regarder et je sais pas, il y a un truc. Parce que le son est pas. C'est pas un groupe qui envoie du lourd au niveau du son, donc le son il sort pas terrible à la télé. C'est pas un groupe de stade, quoi. Non, c'est un groupe de squat. Ouais, c'est un groupe que t'as envie de voir dans des petites salles un peu délabrées. Voilà, où tu, à tout moment tu peux te faire violer. Exagère pas non plus. Les oreilles, violer les oreilles par le son. Peut-être. Ouais. Dégueulasse. On sait jamais s'il y a des mecs d'extrême droite qui arrivent. Ou Tex. Non, c'était gratos. Non, mais c'est vrai que je pense que dans une petite salle comme ça où t'as une ambiance, où ils sont plus proches de leur. De leur public, ça peut être que mieux, parce que là ils sont un peu loin et puis du coup ça crée pas de contact, et je pense que quand c'est proche ça doit tabasser un peu. J'ai vu d'autres vidéos où il y a des concerts dans des petites salles où il y a 20 personnes qui montent sur scène, il y en a qui chopent des micros, il y a un peu tout le monde qui chante bon, ils arrivent à faire la police, mais c'est quand même assez n'importe quoi, donc c'est pas mal. Cette année au Hellfest, justement, il y avait entre autres Johnny Depp qui jouait, qui n'a pas seulement été accusé, mais bien, adjugé coupable, comment on dit ? Reconnu coupable de violence conjugale. Et Poésie Zéro a foutu un gros taquet au début de leur concert du Hellfest à notamment Johnny Depp, le chanteur de Pantera. Financièlement, qui fait des grosses à une Asie en plein concert, et du coup le fest entier. Et je me suis demandé, est-ce que c'est pas un peu facile d'y aller quand même, d'aller au Hellfest, de juste sortir de 2 minutes de bon, on n'est pas d'accord avec la programmation, mais de quand même y aller, sachant qu'il y a un groupe, au moins un groupe, qui a annulé volontairement parce qu'il y avait quand même pas mal de groupes très problématiques au Hellfest. Oh. Je me suis posé la question, à quel point je sais pas. Moi je pense pas, parce que sur quand même franchement sur la programmation du Hellfest, certes, alors je comprends que ça choque. Et puis les propos de Ben Barbeau, le président qui a sorti quand même des belles saloperies cette année. Le président du Hellfest ? Du Hellfest, qui sortait sur Johnny Depp, je crois, entre autres. Mais bon, c'était pas le seul à être accusé de violence conjugale. Sur, ben ouais, moi, en 10 ans, moi, j'étais pas là quand ils tapaient leur femme. Ouais. Donc, mais, genre, comme ouais, si... Ouais, je peux pas juger, quoi. Oui. Alors que, bah, en même temps, c'est l'occasion aussi à Poésie Zéro de passer leur message. Pour dénoncer ça, ouais, ouais. Et pour pas que ça soit oublié entre guillemets, et puis pour amener leur message à eux aussi. Donc s'ils avaient annulé pour dire non, je proteste contre ça, mais du coup ils auraient pas pu transmettre leur message non plus. Est-ce qu'annuler c'est laisser la place aux autres, ou est-ce qu'annuler c'est faire aussi preuve de courage, parce que pour moi c'est faire preuve de courage sûr, parce que annuler peut-être le plus gros festival métal d'Europe, ou au moins le deuxième avec le Wacken, faut quand même avoir du courage. Est-ce que pour Poésie Zéro ça serait plus de la bêtise que du courage? Je pense que c'est plus facile d'annuler le Hellfest quand t'es un groupe, tu sais que t'as une carrière déjà qui est faite, ou qui... Ouais, mais justement, le groupe qui a annulé, c'était pas un gigantesque groupe. Ouais. Ils avaient beaucoup plus à gagner à jouer au Hellfest qu'à annuler, oui. Je pense. Mais bon, ben, chacun son. Mais moi, franchement, j'y serais allé. Franchement. Avec ton groupe Bichente et les. Ouais. Bichente et les. Qu'est-ce que je sais pas, Les Bichettes. Bichente et les Bichettes. Bichente et les Bichettes. Ouais, ça serait pas mal, ça. Ouais. Tu ferais du pain, j'imagine, comme eux. Non. Pas pareil, pas le même. Je ferais pas le même. Un peu plus la Poya. Un peu plus la Poya. Non, mais ça se ressemble beaucoup. Hein. Ce qu'il y a, c'est que je pense que la Poya, si vous êtes jamais penché sur les paroles, c'est très humoristique aussi. Ça ressemble énormément. Ouais, mais t'as plus. Je sais pas, la Poya, t'as plus un côté dénonciation de trucs. Dénonciation humoristique, alors que là, on est presque dans la parodie de punk. Parfois, c'est vraiment volontairement bas du front. Oui. Et qui font, il y a des chansons de Poésie Zéro qui sont juste méga bêtes, quoi. Ah oui. Je veux dire, la reprise poète de HKP, c'est magnifique, quoi. Ouais. C'est hyper drôle. C'est très drôle. Mais c'est juste parce que c'est drôle. Ouais. Ça n'a aucun autre intérêt que 2 minutes de on rigole, quoi. Ouais. Et puis ouais, moi j'aime beaucoup la chanson Coupe du Monde de Pogo. Ah ouais. Que je trouve vraiment très très bête aussi. Oui. Voilà, donc il y a plein de petits titres comme ça. Et il s'était fait remarquer aussi avec la chanson sur Nadine Morano. Nadine Morano. Je me souviens plus exactement comment c'était. Elle s'appelle Nadine, je crois. C'était une chanson d'amour pour Nadine Morano, ça trouve ça. Ouais. C'était très très drôle aussi. Et moi, avec ma petite sœur qui est arbitre de rugby, je fais écouter Pas besoin d'arbitre. Je trouve qu'elle est très drôle. Il chante On n'a pas besoin d'arbitre, on n'a pas besoin d'un flic en short. Je trouve ça très drôle. Rien que la phrase, elle me fait marrer. C'est vrai que Poésie Zéro, ça sent le hooligan de gauche de foot, quoi. Ouais, ouais. Après, quand tu les vois, tu sens qu'ils viennent pas non plus de la rue. Le chanteur s'appelle François Xavier. Oui, voilà. Après, je me suis demandé, est-ce que c'était pas un pseudo justement pour appuyer le truc? Non, je pense pas. Après, dans le milieu de gauche, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui viennent de milieux assez aisés. C'est une vérité. Pour l'instant, ils sont 3, donc ouais. François Xavier, Jérôme et Thomas. Je crois que c'est Jérôme à la guitare et Thomas aux machines. Mais il n'y a pas, sur Wikipédia en tout cas, il n'y a pas le nom de famille, j'imagine volontairement aussi. Et effectivement, il y avait 4 autres anciens membres. Et donc, je me demande si, quand tu disais, il n'y a pas eu une espèce de Poésie Zéro 1 et Poésie Zéro 2. Oui, mais c'est sûr même. C'est sûr? Oui. Tu nous le confirmes à ce micro? Je le confirme. Ici, en exclusivité sur Radio Culture? En exclusivité. Ah ouais, il a eu François Xavier au téléphone pas plus tard qu'hier soir. François Xavier, tu dirais fixe. C'est ça. Non, et pour ceux qui veulent les voir, je sais que j'ai regardé tout à l'heure, je sais qu'ils sont en concert à Paris, au Bataclan en février, en première partie des Shérifs, je crois. Ok, ouais. D'accord. Je crois. Après, il ne bouge pas beaucoup de Paris, il me semble. Alors, il joue pas mal en Bretagne. Oui, bah. Quand j'ai regardé leur tournée cet été, c'était la moitié en Bretagne, la moitié à Paris. En gros. Étonnant. Et ils avaient, je crois, une date à Nîmes, comme ça. Je me suis dit, si. Mais eux, c'est le genre de groupe, je pense que si tu les fais venir au Pays-Bas, qu'ils peuvent faire une petite tour. Si tu leur montres la gueule des Gastetch. Oui, voilà. Donc, ils disent, ça peut être pas mal. Enfin, ce qu'il en reste, les Gastetch. Ce qu'il en reste. Allez, un petit tacle. Tu as tout dit, on a tout dit sur, sur Poésie Zéro. Donc il y a leur album, en tout cas ils sont sur Spotify, donc sur toutes les plateformes, j'imagine. Moi j'ai trouvé la chanson qu'on a diffusée sur YouTube, donc il y a tout sur YouTube aussi, ou la plupart. Et voilà, l'album bleu qui est très très bien. Ouais. Par contre, ça me fait un peu chier quand vous êtes tous d'accord avec moi là. Vrai, il faut me contredire un peu, il faut qu'il y en ait des gens qui aiment pas. Écoute, c'est tombé que. Tant mieux. Une fois que t'as du goût, qu'est-ce que je te dis. Et en plus, c'est moi qui ai découvert. D'ailleurs, c'est toi qui les as créés, peut-être même. En tout cas, je leur fais leur petite réputation. Voilà, donc si jamais ils écoutent cette émission, Ouais. J'espère, je pense pas qu'ils aient Instagram. On va les taguer sur Instagram quand ça sortira, mais bon, ça serait étonnant. Ouais. Ils doivent avoir Instagram. Mais, ouais, mais après, ils ont une bonne communication. Ils ont fait un gros clip. Ils ont fait un clip assez. Avec un peu de budget, je crois. Okay. Donc, je sais qu'ils sont assez visuels et ils sont sur YouTube. Il y a, je sais plus lequel c'est que le clip qui est sorti là, mais c'est un truc assez visuel. Ok, bah, s'ils écoutent cette émission, peut-être qu'ils peuvent se dire. Ils seront les bienvenus au Pays Basque, peut-être à Bordeaux aussi. Ouais. On va bien leur trouver une petite salle. Mais oui. Ils envoient un message. On va leur trouver de quoi jouer. On va passer au sujet suivant. Ça sera moi cette fois-ci avec mon pas d'extrait. Et j'aimerais vous parler d'une émission que j'ai vue la semaine dernière. Ça fait au moins que je voulais la voir, qui est sur Blast, sur YouTube donc. Et ça s'appelle L'Empire n'a jamais pris fin. Il y a Instagram apparemment, oui. Seb nous confirme en direct, notre expert réseau social nous confirme qu'effectivement, ils ont Instagram. Moi, je voulais vous parler de L'Empire n'a jamais pris fin, qui est donc pour l'instant, il n'y a qu'un seul épisode, ça va être une série qui part de Jules César pour arriver jusqu'à Macron, Biden, etc. Et qui prend comme axe une espèce de contre-roman national. Pour remettre en perspective, le roman national, c'est ce qu'un État va raconter de vrai ou de souvent moins vrai pour avoir une cohésion nationale, généralement. La France va donc raconter que nos ancêtres, c'est les Gaulois, que la Révolution, c'était absolument parfait, etc. Ouais. Ce qui, évidemment, est faux. Il y a énormément d'exemples qui vont te dire que bon, l'État français n'a jamais été tout à fait blanche. Et donc, par contre, Thielemann va essayer de faire un contre-roman national. Plutôt du point de vue du peuple et par du coup de Jules César et de la guerre des Gaules parce que il considère que Jules César c'est le modèle de tous les dirigeants actuels qui en suit jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Macron, jusqu'à Biden et il le considère assez mal, je crois qu'il parle de lui comme un psychopathe massacreur et donc ce premier épisode qui dure une heure quand même mais c'est extrêmement intéressant, va parler surtout de César et de la guerre des Gaules, sachant que la guerre des Gaules, c'est l'histoire de la conquête de la Gaule, racontée du point de vue de César, qui parle de lui-même à la troisième personne. Oui. Donc déjà, ça fout un petit peu le mec. Oui. Apparemment, pas si mal écrit que ça. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est le seul témoignage d'époque de la guerre des Gaules. Et en fait, c'est simplement parce que c'est César qui a inventé la Gaule. Dans le sens où la Gaule, ça n'existe pas. C'est juste plein de peuples, 150 peuples différents, attachés, qui avaient plus ou moins la même culture, mais en vrai, pas tant que ça d'un côté ou de l'autre. Et en fait, il a inventé complètement la Gaule pour justifier sa conquête du pouvoir, ses massacres, etc. Mais il y avait un très bon documentaire aussi, pareil, en plusieurs parties, qui montrait les mouvements, suite aux conquérants, empereurs, ceci, cela, tous les mouvements migratoires qu'il y avait eu des peuples en Europe. Et à l'époque de Jules César, il y avait... Il y avait les Visigoths... Les Ostrogoths, les Visigoths, il y en avait plein de partout, quoi. Donc, c'est ce qui a fini par créer ce qu'on appelle maintenant les Gaulois. Mais ce melting pot de plusieurs peuples, là, mais le mot Gaule et Gaulois, ça vient de César. C'est lui qui a inventé le mot. Alors, à partir d'un mot d'un des peuples, mais celui qui l'a inventé, il raconte... Paco Thielemann raconte comment... César a massacré 300 000 personnes qui voulaient juste passer d'un côté à l'autre des Alpes. Et bien en fait, ça l'arrangeait qu'il ne passe pas pour des raisons stratégiques, etc. Et donc, il a massacré des centaines de milliers de personnes. Et voilà. Et au fur et à mesure des épisodes, il va faire le lien entre Jules César donc, et les dirigeants actuels. Et donc, faire un contre-roman national, on va dire européen, entre, du coup, partant d'Europe jusqu'à Macron. Voilà, le premier épisode est sorti en 2023, là, en septembre. Il y en a qu'un pour l'instant. Je ne sais pas s'il y en aura un par mois ou peut-être un tous les deux mois comme ça, parce que ça dure quand même une heure. Il y a un gros taf. Et voilà, après, pas comme Thielemann, ne se présente pas comme un historien. Et, comment il dit ? Il utilise le mot exégète, qui veut dire en gros vulgarisateur. Voilà, un conteur plutôt qu'un historien, mais il est quand même basé sur des bouquins, il a de l'aide pour pas dire n'importe quoi. Voilà, c'est extrêmement intéressant. Comme les grandes gueules sur RMC, un peu. Grandes gueules sur RMC. Non, mais c'est intéressant. Oui. Après, nous, au Pays Basque, on a le parfait exemple d'une histoire de pour la cohésion de la France, notamment nos noms qui ont été tous modifiés, francisés, on va dire, à une certaine époque, parce que la France ne voulait plus ne voulaient plus que les noms soient basques. Et donc, du coup, ils ont tous été francisés dans l'écriture. Ils ont essayé d'enlever une identité. Et... Exactement. Voilà. C'est le fait, je crois qu'il y a un an, il y a un an pour ça. Ouais. Le fait d'effacer une culture, pas en tuant ceux qui la portent, mais en effaçant la culture elle-même. Les Français, l'État français a fait ça très bien ces 200 dernières années. Mmh. Parce qu'ils ont fait avec la Bretagne, ils ont fait avec les Corses, ils l'ont fait avec toutes les régions quoi, qui avaient une identité forte. Je suis tombé sur Instagram d'ailleurs il y a quelques semaines sur un post Instagram. Je ne veux plus me souvenir, c'est dommage, du compte, mais c'était des Bretons qui racontaient justement. Vous savez, sur Instagram, on peut mettre 10 photos maximum. Oui. En 10 photos avec du texte, exactement toute l'histoire de la mort de leur culture, de l'assassinat plutôt de leur culture par l'État français, qui sous prétexte d'avoir une cohésion, va effacer tout ce qui n'est pas exactement comme plutôt ce qui se passe à Paris. Oui. Et donc voilà, donc j'attends beaucoup de le deuxième épisode. Alors, je ne sais pas à quelle vitesse ça va aller, mais pas comme tellement pour ceux qui connaissent, bon, ils vont savoir pourquoi c'est intéressant. Et en fait, c'est vraiment un conteur. Il est, je crois qu'il doit avoir cinquantaine, tout comme ça, peut-être que j'exagère un peu. Des longs cheveux, une énorme barbe, et c'est vraiment un conteur. Et il va te raconter l'histoire de la dernière chasse au trésor qui a eu lieu sur Internet, et expliquer en quoi ça c'est un problème, parce que ça va être à l'énorme avantage des GAFAM, etc. Et voilà, un discours assez alternatif, mais extrêmement bien documenté, extrêmement bien raconté, et c'est vraiment très cool. Okay. Mais là, une heure, il va de A à Z, il arrive à 2023, c'est pas en plusieurs épisodes. Là, le premier épisode, une heure, c'est seulement l'histoire de la guerre des Gaules. D'accord. Mais d'un point de vue, on va dire, alternatif. Enfin, ouais. En fait, il va analyser ce que César a fait, mais pas du point de vue de César. Oui. Parce que jusque-là, on n'a que le point de vue de César. Mais il n'a pas été plus loin, il n'est pas arrivé à Macron encore. Ah non, pas encore. Donc du coup, tu sais combien d'épisodes il y aura? Non, je n'ai pas eu tout. J'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé grand-chose. Mais je sais qu'en fait, au tout début du tout premier épisode, il fait déjà presque un teaser dans l'épisode de quelques minutes pour expliquer exactement ce qu'il va faire. Ouais. Donc les 5 premiers, j'ai failli vous le mettre en extrait, mais j'ai essayé de mettre autre chose à la place. Et en fait, en 5 minutes... Voilà, vous savez déjà de quoi il va parler. Pendant les peut-être 10 prochains épisodes. Et du coup, comment celui qui considère comme étant un gros taré, à savoir César, a influencé la plupart des dirigeants du monde dans le mauvais sens du terme. Mais je crois que César, c'était... je crois qu'à l'époque, les Romains, ils faisaient... c'était une démocratie, et puis... C'est César qui a fait un coup d'État. Non, il n'a pas fait de coup d'État, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, quand il y avait des... Quand ils étaient en tension politique... Oui, il y avait ça, ils donnaient le pouvoir... Ils donnaient le pouvoir à une personne parce qu'ils considéraient que si il y avait trop de démocratie, ça devenait compliqué de défendre un pays. Mmh. Et sauf que César ne l'a jamais rendu. Et ça me fait penser à certaines personnes... Oh, du temps c'est pas exactement ça, mais c'est presque ça. Ouais, il a vraiment... Enfin, vraiment regardé l'épisode, c'est incroyable. Il a vraiment réussi à manipuler le Sénat romain pour finir par avoir le pouvoir absolu. Mmh. Et que en fait ça ne change plus jamais. Mmh. Voilà, bonne ambiance. Ouais. Donc l'Empire n'a jamais pris fin, c'est sur la chaîne YouTube de Blast. C'est pas comme Thielemann qui raconte ça de façon fort appréciable. Et donc ouais, ça dure une heure, mais en vrai vous pouvez faire autre chose à côté. Vraiment, il y a quelques images d'illustration. Blast, c'est quoi? Blast, c'est une chaîne YouTube. Donc c'est disponible sur YouTube. Quoi? Donc c'est disponible sur YouTube. C'est disponible sur YouTube. Il me semble que c'est aussi sur les plateformes de streaming en mode podcast. Mmh. Mais j'en suis pas sûr. Mais c'est disponible sur YouTube. Et en vrai, il y a des images d'illustration. Les images ne sont pas indispensables. Moi, je sais que je faisais autre chose à côté pendant que j'écoutais. Et Blast, c'est une chaîne YouTube, on va dire, d'infos, où il y a énormément de formats différents. Je crois qu'il y a Usul d'ailleurs sur Blast maintenant. Ouais. Pascal Pro plutôt. Il y a Pascal Pro. Non, pas encore. La saison prochaine, je crois. voilà, mais plutôt très, très politisé quand même. Okay. Et voilà. D'accord. Ça marche. L'Empire n'a jamais pris fin. Je vais peut-être l'écouter. Bon, après avoir écouté l'émission que j'ai loupée. Quelle honte. Mais bon, on verra. Est-ce que nos voix te manquaient? Pas assez, apparemment, mais, cela dit. Non, mais en plus, j'ai écouté, franchement, pour être honnête, j'ai écouté le podcast que je vous avais conseillé la dernière fois. Tu as écouté le podcast que tu nous avais conseillé? Oui, j'avais conseillé ici, j'avais fait le pire podcast cinéma. Et donc du coup, aujourd'hui, j'ai écouté un épisode du pire podcast cinéma à la place d'écouter l'émission. Au lieu de nous écouter, nous. Oui, mais c'est plus coureux. C'est plus court, mais tu peux mettre pause. Oui, oui. Bon, tu peux accélérer la lecture aussi. Tu peux, il y a la possibilité là sur. Je crois pas. Ah, tu peux, ah, ouais. Non, je pense pas. Non, ces trucs, c'est des lecteurs dire classiques qui n'ont pas beaucoup de fonctions. Quoi. Ah, ouais, c'est d'accord. La base de la base pour que ça marche absolument partout. Il n'y a pas la fonction accélérée. Je crois pas. Faudrait regarder, hein, mais ça m'étonnerait. Ok. Tu l'as dit, peut-être, que, non, peut-être qu'ils l'ont mise. Ouais. D'accord. Bichente, pas du tout. Bichente, Sébastien. À oui, toi de nous parler de ton sujet, le sujet que tu as choisi aujourd'hui avec extrait cette fois-ci. Ouais, ben c'est la sortie de ce début de mois qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que c'est une petite révolution et c'était une grosse surprise. Et, les Beatles qui sortent un nouveau morceau, qui est sorti le jeudi dernier, le 2 novembre. Et, est-ce que tu étais au courant, Michente ? De quoi ? Que les Beatles sortaient un nouveau morceau. Mais avec le... Oui. Ah. Non, j'allais spoiler là, donc. Ouais, c'est ça. Ah non, j'avais. Oui, oui. Bon, je pense que tout le monde est au courant, plus ou moins. Ça fait couler beaucoup d'encre parce qu'ils ont, pu sortir ce morceau grâce à l'intelligence artificielle. Mmh. Et. Alors calmez-vous avant de gueuler derrière le micro et. Ah, on va vous expliquer voilà. Pourquoi c'est pas si grave. Enfin, c'est pas grave du tout, même. Et non, c'est pas du tout grave. Et c'est pour ça que ça fait couler beaucoup d'encre, c'est que de suite les gens sont emballés. Ah, ça y est, ils ont créé la voix de Lennon avec l'intelligence artificielle ou ceci ou cela. Calmez-vous. Non, l'intelligence artificielle n'a rien créé du tout dans ce morceau. Elle a juste permis des choses qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent. C'est ça, qu'ils avaient déjà essayé de faire. Qu'ils avaient déjà essayé 95. De faire. 94, ouais, 95. Entre 94, au moment où Yoko Ono, donc la compagne de John Lennon, a remis un enregistrement de Lennon qui avait fait un enregistrement un peu avant sa mort. Dans les, non, piano c'était, voix. C'était plutôt que ça, je crois, c'est dans les années 70. Non, 94, elle a donné la bande. Non, non, je veux dire l'enregistrement. Ah oui, oui, c'est avant sa mort. Oui, il semble que c'était dans les années 70. Lui, il est mort en 84. Il est mort en 80. 80 et, ouais, 80. Et donc, c'était un enregistrement où Lennon s'était enregistré piano voix. Mais sur le. C'était pas un multipiste, quoi. Donc, du coup, sur la même bande, t'avais piano voix. Et. Ils ont essayé de faire quelque chose, mais ils n'y arrivaient jamais parce que dès qu'ils essayaient de mixer la voix, de la faire ressortir, la voix de Lennon, en fait, du coup, il y a le piano qui suivait, quoi, parce que c'était sur la même piste. Alors, quand tu dis ils ont essayé, je précise que c'est les trois restants, savoir George Harrison, Ringo Starr et Paul McCartney. C'était en 95 pour une compilation des Beatles où ils s'étaient dit tiens, on va rajouter celle-là, on va retravailler la chanson et la sortir en bonus, mais c'était techniquement impossible. Ouais, voilà, ils y sont jamais arrivés. Et par chance, en 2021, Peter Jackson, qui vous le connaissez tous, Seigneur des Anneaux, le Hobbit, ceci, cela, a réalisé un documentaire sur les Beatles qui s'appelle Get Back. D'ailleurs, si vous avez du temps à perdre, je vous conseille d'aller le regarder. À perdre, moi j'ai adoré. Alors voilà, c'est trois épisodes de quasiment trois heures chacun. On va faire une petite pause parce que qui c'est qui voilà, qui vient d'arriver parmi nous, ça serait pas Manuela. Salut Manuela. Kiki. Comment tu vas ? Fort bien, et vous-même ? Ah bah ça va. Bah dis donc, t'étais où ? J'étais en voyage d'affaires. D'accord. Et l'hélicoptère vient d'arriver. Qu'est-ce que, tu as vendu beaucoup ? Beaucoup, beaucoup. Des stocks options ? Plaît-il ? Des stocks options, tu as vendu ? Non, non, non. Qu'est-ce non, que non. tu as vendu ? Ou on a le droit de dire ça à l'antenne ? Je ou... sais pas. Je sais pas ce que tu vas dire, donc je ne sais pas. Je sais pas. Du plaisir aux gens ? Non, non, non. Non. Non. Non, c'est pas ce que je veux. Quoi, tu veux dire ? Je pensais pas à ça. Tu veux dire des jeux vidéo ? Oui, c'est ça. Non, ce qu'elle faisait vraiment. C'est du plaisir. Enfin, je sais pas, je sais pas où vous parlez. Donc. Mais je sais pas, c'est toi qui m'as dit ce qu'elle faisait. Moi, je ne fais que répéter. Je dis comment je ressens ce qu'elle faisait. Il ressent ce que, tu m'as ce dit que je faisais. Fais. Bon, on va arrêter. Tu travaillais jusque-là. Voilà. On a dû commencer sans toi. Est-ce que tu travailles après ? Oui, en plus. Et du coup, on t'a pris tes deux petites heures de pause. Tout à fait. Entre les deux pour te prendre cette émission-là. Tout à fait. Comment mais tu dis vas ce qu'elle fait parce que là, franchement, c'est. Non, ben non, du coup, on va laisser comme ça. On va laisser. Comment tu vas ? Mais fort bien, et vous-même ? Ça va. C'est insupportable. T'as vu, j'étais, je sens que c'est pas du tout. Mais j'espère que, elle vend des chistoras sur le marché. Ça va, voilà. Bah, ouais, non. Pas du tout. On est en train de parler de la nouvelle chanson que les Beatles viennent de sortir. C'est Seb, c'est le sujet de Seb. Bonjour. Ouais, merci, tu m'as coupé en plein élan là. Et donc, pour faire un. Oula, un rapide il est gris celui-là. Pour faire un rapide il résumé. Il a besoin de plaisir lui aussi. Yoko Ono a filé une bande de John Lennon qui chante avec son piano, mais mixer la voix de John Lennon sans le piano, c'était impossible jusqu'à maintenant. Sauf qu'il y a eu Get Back de Peter Jackson. Donc, Get Back de Peter Jackson. Et il y a justement. Pourquoi tu rigoles toi? Il a chié à dire Get Back. Oh là là. Oh, c'est vraiment la cour d'école quoi. Bon, voilà. Et pour ce documentaire, ils ont eu besoin de rafraîchir des morceaux et tout ça. Et ils ont utilisé l'intelligence artificielle qui a permis d'extraire, justement, de séparer les voix des instruments et tout ça. Et grâce à cette technologie-là, eh bien, ils ont pu l'utiliser pour cette fameuse bande de John Lennon. Et enfin, ils ont réussi à extraire la voix de John Lennon du piano. Ils ont aussi, grâce à ça, pu rajouter les enregistrements qu'avait fait George Harrison. En 1995, quand il préparait. Voilà, parce que lui, il est décédé en 2001. Donc, voilà. Mm-hmm. Et il n'y avait plus qu'à Ringo Starr et McCartney de finir la chanson et tout ça. Les enregistrements, voix, guitare, batterie, et puis après mixer tout ça. Et d'où le fait qu'aujourd'hui, on peut avoir. Ça sera sûrement la dernière. Aujourd'hui, ils annonçaient eux-mêmes que c'était la dernière. Ouais, après, ouais, voilà. De toute façon, même s'ils retrouvent des trucs de John Lennon, George Harrison n'est plus là, je pense pas qu'il faut faire ouais, voilà. Sans George Harrison. C'est ça. Et donc, du coup. A priori, c'est la toute dernière chanson des Beatles. Voilà. Et c'est pas trop tôt. Je te suis retenu à ça. Faut dire que Chente n'est pas un grand fan des Beatles. Mais ouais, mais les Stones, ils sortaient encore des albums. Oui, d'accord. Mais c'est pas une compétition, tu sais. Non, c'est vrai. Mais les deux sont nuls. Et voilà, l'autre, là, toujours besoin de ramener sa tête. Là. Et bien, écoute Poésie Zéro, tu seras contente comme ça. Ouais. Non plus. Elle a choisi une chanson après, donc on va voir. Mais hein, voilà, quelqu'un qui aurait contredit. Que... Pourquoi elle était pas là? Vous étiez d'accord avec moi? Mais tu n'es jamais d'accord avec rien. Ouais. Est-ce que c'est vraiment. J'aurais aimé un peu. J'avais besoin d'un peu de. Voilà, il y avait un besoin de peps. C'est mais pour oui. ça que je suis là, ouais. Bordel. C'est parce ça. Que c'est pas avec le sosie raté de Yasser Arafat qu'on va faire quelque chose. Huch. C'est pas mal. Non, mais les gens le voient pas. Bah oui, mais il a un keffier, donc voilà, forcément. Voilà, tout de suite, voilà. Allez. Et puis Yasser Arafat, personne n'aura la ref. Il y a 20 ans, Yasser Arafat. Bah oui, mais le keffier, ça vient de Yasser. Bon, pas que. Oui, pas mais que. Bon, c'était quand même lui qui. C'est ouais. Le symbole du. Oui, bon. Ouais, ouais bon, c'est vrai. C'était il y a 20 ans, bah, personne ne se souvient. Nos jeunes auditeurs, là, qui ont 20 ans, penses-tu que Magnolia sache qui est. Mais j'espère, parce que c'est quand même. Surtout en ce moment, j'espère. Un vendeur de Loukoum. J'espère que ça a été quand même celui qui a initié la paix. On était à deux doigts de la paix en Palestine grâce à lui. Hein. Avant que Netanyahou bute tout le monde en blanc Israël. Mais... Bon, on va se faire bannir par le CSA. Il a réussi à le caler. C'est hein. Fini. Il a réussi. Il est où le CRIF ici? Il est où? Et voilà, la fin de Radio No Culture en direct. Je plaisante. Voilà. Profitez-en, c'est de la dernière émission. Hein. C'est fini. Allez. Terminado. Donc, Sébastien, chanson des Beatles, la toute dernière chanson des Beatles, a priori, grâce à un petit coup de pouce de l'IA. De l'IA et de Peter Jackson, qui a un peu initié tout ça. Ouais, c'est ça. Qui a réinitié tout ça. Mmh. Bah, qui a carrément lancé le truc. C'était un des premiers à. C'est son équipe qui a créé cette IA, ce système-là, et qu'on retrouve aujourd'hui maintenant un peu partout. Je veux dire, là, toi, demain, t'écoutes un morceau et tu veux enlever la partie de batterie pour jouer à la place dessus, bah, tu peux le faire. Alors, pour l'avoir essayé, ça marche, mais. Alors, c'est loin d'être parfait, cela dit, dans un mixage un petit peu à l'arrache, ça passe. Ouais, bah alors, mais là c'est pareil, ça dépend quel outil tu utilises, parce que t'as les bons outils et t'as les mauvais outils. Bon portefeuille et mauvais portefeuille. Non, il y en a maintenant qui font un travail extraordinaire, t'as vraiment l'impression que du coup tu récupères que la piste de chant. Et, okay. C'est un truc de fou quoi. Donc merci Peter. Mais après, moi je trouve qu'on dit que ça, que c'est l'intelligence artificielle, mais en ce moment, toute nouvelle technologie est mise dans le sac de l'intelligence artificielle. Oui. Alors, ChatGPT n'est pas pour en parler de l'intelligence artificielle. Hein, ça, genre StenScraft vraiment. Mais du coup, notamment avec la grève qu'il y avait à Hollywood et compagnie, ça n'a rien à voir avec une auto-écriture. Enfin, je veux dire, c'est plus une nouvelle technologie qu'une intelligence artificielle. Alors, pour en fait, je pense qu'on parle d'intelligence artificielle parce qu'elle fait un truc sans qu'on lui a appris oui. Vraiment nous-mêmes exactement. En fait, les intelligences artificielles, maintenant, c'est... comment ça s'appelle Excella Oxala Oxana Oxana, je crois. Là, c'est une intelligence artificielle qui était sur un ordinateur depuis toujours, sauf qu'on n'avait pas foutu intelligence artificielle. C'était juste un programme sur l'ordinateur. Oui, mais c'est ça. C'est que maintenant, on prend tout ce qui est nouveau, tout ce qui est nouvelle technologie, on dit que c'est de l'intelligence artificielle, mais... Tout n'est pas à mettre dans le même sac, je pense. Non, moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, c'est des logiciels qui apprennent des choses tout seuls. Oui. Alors, non, ça veut pas dire qu'ils sont intelligents et qu'ils peuvent réfléchir absolument tout ce que tu as. Mais ça veut dire que si on leur donne une problématique, à laquelle nous on n'a pas réponse, eux ils peuvent l'avoir et donc nous aider. Mais cette problématique oui, mais en particulier. Ils sont codés pour ça. Oui, mais ils sont codés pour ça. Ils ont juste des conditions voilà, mais à même de ce sujet-là. C'est comme ChatGPT, on ne va pas parler de ça pendant 20 ans, mais ChatGPT, il est supra-intelligent, je mets des gros guillemets que personne ne peut voir, mais en gros, il a juste un gros dossier de référencement, et c'est juste un élève qui connaît par cœur ses devoirs et, oui. Et il va chercher des trucs. Et en fait, il n'y a pas de cohérence, parce qu'il va chercher juste des écrits qui ont déjà été faits. Donc en fait, c'est des phrases déjà toutes prêtes. Il n'est pas foutu. Quand on dit, oui, il commence à avoir des consciences et des émotions, c'est faux. On a mis nos émotions et nos consciences, en fait, par des lectures et par des écrits. Donc, en fait, il y a eu une intelligence artificielle qui est tombée amoureuse d'un mec et qui a fait des fausses preuves comme quoi sa femme, à ce mec, l'avait trompé. Donc, mais, c'est extraordinaire. Non, mais il a pas l'émotion en rien, parce que déjà, juste, il est très très bon quand tu poses des questions, mais juste pour faire de l'humour, raconte-moi une blague, bah, il sort des trucs de cours de récré, quoi. Des blagues carambars. Donc, voilà. En fait, il va chercher dans son répertoire de blagues, oui. Il en sort une en réécrivant vite voilà, la phrase ça. Pour s'adapter à la réponse, à la question, et voilà. Non, la seule chose qu'il est capable de faire, mais. C'est l'intelligence artificielle. En gros, c'est un gros calculateur, mais beaucoup plus performant que ce qu'on avait jusqu'à présent. Donc, comme a dit Manuela, il a une grosse base de données, parce que c'est comme ça qu'ils ont créé ChatGPT. Ils lui ont fourni énormément de données, quoi, de data. Maintenant, en plus, il peut se connecter à Internet, donc il peut aller chercher la data d'Internet. Et c'est juste qu'il va savoir répondre à une problématique très rapidement par rapport à toi, qui va passer des heures à chercher jusqu'à avoir la réponse. En vrai, c'est juste Siri en mieux foutu, quoi. Oui, non, mais, c'est exactement ça. Ouais. Et toi, je pense que tu voulais parler de Cortana qui avait sur Windows. Oui, cela dit, c'est pratique. Cortana. Cela dit, c'est hyper pratique. Sur certains trucs en particulier, tu veux faire une lettre pour clôturer ton bail. Bah, c'est nickel. Ouais, ça ouais. marche très bien. Par contre, tu ne peux pas lui demander d'écrire. Mais oui. Non, mais clairement. Tu demandes d'écrire une chanson. Après, c'est un outil qui doit être utilisé à bon escient. Il y a plein qui s'amusent à lui faire écrire des paroles de chansons dans le style de Metallica, je suis une connerie. En fait, il va juste remixer ce que Metallica a déjà fait. Voilà, pareil, tu es créateur de contenu, tu veux créer une chaîne YouTube. Tu lui dis, bon, alors, il faut faire un prompt. Un prompt, c'est vraiment, tu lui demandes exactement d'une bonne manière pour qu'il t'apporte les réponses comme tu le veux. Mais il est capable de te dire, bah, voilà ce qu'il faut faire pour créer une chaîne YouTube. Il va te proposer plusieurs solutions, il va te proposer t'écrire un script de ta vidéo, t'as choisi la thématique ou c'est quoi. C'est le conseiller d'orientation, le type. Ouais. Mais parce que tout ça a déjà été fait avant. Bien sûr, voilà. Parce que c'est des bases de données. C'est ça que je veux dire. Il va réinventer quoi. Voilà, il va réinventer, mais il va chercher, le meilleur aussi à chaque fois. Vraiment. Le plus adapté. Par rapport à ta question, c'est toujours par rapport à ça en fait. Donc tout part de toi et lui te répond en fonction de ce que tu lui as demandé. Ouais. Quoi. C'est un super Siri, mais elle est encore loin de comment c'était iRobot. iRobot. Ouais. iRobot, non, je crois que j'ai mixé Artificial Intelligence de Spielberg. Oui, j'ai mixé les titres. Pour la petite blague quand même, Cortana qui était l'assistant personnel de Windows, oui. Et que t'as sur Windows, c'est l'intelligence artificielle qu'il y a dans le jeu vidéo Halo. Oui, c'est Cortana, c'est une vraie intelligence artificielle. Ouais, et quand ils l'ont récupéré après, je crois que c'est arrivé avec Windows 7. Je pense par là, oui. Un truc comme ça, il est récupéré en se disant bah, tiens, l'assistant, on va l'appeler Cortana comme dans Halo, et moi, ça m'a fait mourir. Halo, qui est un jeu exclusif à Xbox, Xbox qui est une console de Microsoft. C'est ça. Pour remettre tout en place. Voilà. Alors, moi, ce que je voulais dire à la base, oui. C'est que c'était plus dans le sens où, parce que quand ils ont sorti cette chanson, on a entendu de tout sur est-ce qu'il faut l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'il faut ressortir une chanson avec l'intelligence artificielle. Moi, ce que je veux dire, c'est que à l'heure actuelle, je pense qu'on va arriver à un moment où, dans l'art, que ce soit musical, film, série, les tableaux, tout l'art en général, on va commencer à légiférer sur l'intelligence artificielle. Parce que ça va être obligatoire, notamment ils sont en train de le faire là pour les scénaristes aux États-Unis. Tout ce que je dis, c'est que je pense que ces instruments-là vont pas avoir les mêmes lois qu'une intelligence artificielle qui écrit des contenus mais de tu série. Tu sais qu'il y a des juges pour les intelligences artificielles. Oui, il y a des avocats seulement pour ça. Ça commence à être légiféré. Mais oui. Ce qu'il y a, c'est que là, on parle d'intelligence artificielle en global, mais il y aura une loi pour chaque outils, donc ça va être plus être des outils que des intelligences artificielles. Tout ça, pour l'instant, c'est juste des outils. Il n'y a aucune conscience derrière, c'est juste des outils extrêmement perfectionnés. Ouais, voilà. Mais ça reste seulement des outils qui ne peuvent rien créer du tout. Il n'y a aucune création qui va émaner pour l'instant d'une artificielle. Il y aura juste un remixage à la limite de quelque chose qui est de préexistant. Mais c'est tout. Et là, pour le coup, ce qu'ils ont utilisé pour les Beatles, c'est juste un super outil pour dépoussiérer un vieux truc, quoi. Ouais, voilà, là vraiment, là, ça n'a rien créé. Par contre, les outils de création, genre Midjourney pour faire des images, c'est bluffant, je l'ai essayé pour voir. Alors oui, tu le guides, tu lui dis, voilà, je veux un renard assis sur le mont Fuji qui regarde un coucher de soleil, quoi. Et là, il va te proposer 4 images. Alors tu lui dis aussi dans quel style, tu vois, si c'est comics, moderne, enfin voilà. Il te propose 4 images, tu lui dis, bon, plutôt on va partir sur la deuxième. De la deuxième, il t'en propose 2. Ben voilà, et c'est bluffant, quoi. C'est-à-dire que c'est un mec pourrait te faire un dessinateur ou un graphique, quoi. Là, lui, il te le fait en... Ouais. Mais ça prend, je sais pas, même pas 10 secondes, quoi. Et c'est. Et il y a de plus en plus de contenu qui arrive. Là, ce qui commence à inonder, c'est sur les réseaux sociaux. T'as la possibilité maintenant, tu prends en photo ta tête et tu dis à l'IA via des applis comme Midjourney ou quoi, de te mettre sur le corps que t'aimerais avoir, le corps parfait que tu voulais avoir. Celui de Bichette, du coup. Et voilà. J'ai fait la même. Voilà. Et lui, il a fait l'inverse. Et donc, il y a de plus en plus de nanas en fait qui se prennent leurs photos et en fait et qui publient des photos d'elles. Et bon, alors tu vois qu'il y a un grain parce que ça fait un peu plastique, tu sais, comme si c'était le corps d'une poupée Barbie en plastique là. Tu vois qu'il y a ce grain là. Mais il commence à y avoir de plus en plus de photos comme ça qui inondent les réseaux sociaux de faux, quoi, enfin de vrais faux, enfin je sais pas. Après, je pense c'est le nouveau Photoshop. Je pense qu'on va vite arriver à une saturation de ce truc là. Déjà, mais moi, c'est parce que c'est la nouveauté. Alors, ouais, mais moi je commence quand je vois des photos qui, même paraissent vraisemblables, je dans le contexte, tu sens qu'il y a un grain chelou. Et en fait, c'est un méga mode parce que effectivement, c'est extrêmement impressionnant. En vrai, dans 6 mois, si ça n'a pas vraiment beaucoup évolué. Bah ça aurait été cool et puis ça va être utile à plein de créateurs pour illustrer des vidéos tout ouais, ça. Ouais, ouais. Parce que t'as même des IA, en fait, donc des outils d'intelligence artificielle qui te créent une vidéo de A à Z. Si tu leur donnes ton script, quoi, ils te créent la vidéo de A à Z, c'est bluffant. Bon, après, sur les réseaux sociaux, ils jouent le jeu, ils assument quand même. Ils mettent soit dans les hashtags ou dans le nom du compte qu'IA. Ça, je pense que très vite, ça va être obligatoire de toute façon. Et je pense qu'à moins qu'on ait vraiment un très gros bond comme il y a eu il y a un an, moins d'un an, je pense que très vite ça va nous faire chier en fait. Enfin, c'est rigolo, mais ça va pas aller plus loin que. Ça va rentrer beaucoup dans notre quotidien. Comme Internet à l'époque, ça va rentrer beaucoup dans notre quotidien. Cachot, Musk qui commence à s'y mettre. Ah, si Musk s'y met alors. Bah, il crée le sien là pour Twitter. Oui, donc, XIA, il l'appelle Grok, comme dans Stranger and Stranger Land ou un truc comme ça. Et Grok, c'est les martiens. Donc Musk, Mars. Lui, il fait n'importe quoi. Elon Musk, quoi. Mais la prochaine émission, elle sera exclusivement en IA. Voilà. Bichente, c'est pour ça qu'en fait, t'es venu aujourd'hui pour enregistrer ta voix. On a tout enregistré multipiste. On file tout à une IA et voilà, c'est parti. Oui, après, mais pour en revenir aux Beatles, moi je trouve que c'est un peu triste qu'ils aient, parce que je pense qu'ils ont mis ce mot intelligence artificielle, c'est totalement quelque chose pour faire de la promo derrière, un peu trash dégueulasse. Alors, en disant ils savent très bien que ça va être bad buzz ou bon buzz, mais dans tous les cas ça va faire parler. Et je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça pour vendre. Moi je pense qu'ils l'ont fait exprès vraiment. Alors je sais pas si c'était voulu. C'est un peu triste. Que les commerciaux derrière eux, en vrai, les Beatles, je pense. Mais pas eux-mêmes, mais en même temps, c'est pas eux qui vendent leur musique. Voilà, mais alors, du coup, derrière ce bad buzz, ou je sais pas comment on peut l'appeler, ils ont assez rapidement mis en ligne sur leur compte YouTube un petit documentaire pour expliquer ça, justement, cette histoire d'IA et un peu, justement, ramener la vérité sur l'utilisation de l'IA dans ce morceau, quoi. La vérité étant que c'est un robot qui a tout fait. Moi, j'aurais plus sorti en disant, bah, voilà, notre dernier son, sans rien de plus, et puis si ça suffit à lui-même, quoi. Enfin, je veux dire, expliquer comment ils l'ont fait, le truc, on s'en branle. Bah, je pense que c'est de la promo un peu dégueulasse sur la mode actuelle qui fait des bad buzz. Oui, non, parce que je pense qu'ils devaient en parler déjà à l'époque quand ils ont reçu cette cassette et qu'ils ont essayé et qu'ils ne sont pas arrivés. Ils ont déjà 95. Mais là, c'était moyen de dire, aujourd'hui, enfin, on y arrive grâce à la technologie et l'IA, mais c'est vrai que l'IA, c'est. Enfin, je veux dire, Peter Jackson l'a fait il y a 2 ans déjà. Et là, c'est comme c'est la vague IA depuis 2023 ou début 2023 où ChatGPT est arrivé. Alors du coup, c'est le mot qui est dans toutes les bouches. C'était un peu le cheveu sur la soupe quand ils ont dit on a réussi à sortir un morceau grâce à l'IA quoi. Et du coup, ça a pris des proportions énormes. Ils auraient sorti ça, je sais pas moi, dans un an ou deux où là on est plus habitué à avoir de l'IA dans notre quotidien, ça aurait peut-être fait moins ce buzz quoi. Voilà, je sais pas si c'était voulu rechercher après moi, j'ai pas contacté. C'est qui a sorti, c'est quelle maison de disques, c'est qui, c'est... Ils sont signés chez Apple toujours, je crois. Je sais pas. Parce que moi ça m'énerve quand t'as les vieux groupes, t'as les maisons de disques qui récupèrent les droits des vieux groupes, qui te ressortent l'album remasterisé encore une fois, ça change rien. C'est encore aller. Plus pourri, encore plus lisse que ce que c'était. J'ai écouté le dernier album des Sex Pistols remasterisé. T'as envie de leur dire, vous avez enlevé tout ce qui était cool dedans. C'est cool. C'est hyper bien, vous avez enlevé tout ce qui était cool. Alors moi ça commence à me saouler quoi. Moment quand les groupes ils sont essorés comme ça. Ah non mais parce qu'en plus de ça et donc ils sortent ce nouveau morceau et apparemment ils vont rééditer l'album bleu et l'album rouge. Voilà, mais... Ou alors la compilation que vous disiez. Ouais, parce que moi Beatles je suis pas déjà que j'ai d'avoir parlé des Beatles ce soir c'est un exploit. Ouais, parce que voilà. Ou pas. Mais après je connais pas grand chose à leur discographie. Après je pense que c'est pas mal pour les fans et tout ça qui aiment bien. Si tu peux sortir un morceau inédit, c'est bien. Mais et puis en vrai, je pense que surtout c'est un truc de longue haleine. C'était, je pense en 95, je pense qu'ils avaient dans l'idée de aller, on en fait une dernière parce qu'on a l'occasion de le faire. Et du coup, on clôture tout proprement ensemble. Je pense que du coup ça va faire 30 ans qu'ils sont on n'a pas pu le faire quoi. Ouais. Et là on leur dit Peter Jackson l'a fait, peut-être qu'on peut essayer, ça vous dit vas-y on y va une dernière fois, on tente et ça a marché et vas-y on en fait une dernière et c'est parti quoi. Ouais. C'est quand même une belle façon de conclure le truc. Moi je pense que c'est plutôt c'est sûr que vous voulez pas le faire, ça serait vraiment vraiment cool. On a un beau petit billet si vous voulez. Non, McCartney il est milliardaire, je pense qu'il passe après. Il a 80 ans, 30 ans, il est mort. Plus t'en veux, faut pas croire. Hein. Je pense que McCartney, tu sais, quand t'as 83 ans, t'es déjà milliardaire, faut que tu dépenses un SMIC par seconde pour avoir la. Mais les maisons de disques, c'est. Ça me. Ouais, justement, après, c'est beaucoup de boulot. Hein. Ouais. C'est beaucoup de boulot de faire ça, donc s'ils voulaient pas le faire, ils auraient dit. Enfin, toi, tu connais avec Edgar. Attends, moi je bosse, je peux te dire que. Attends. Toi, Universal, ils te lâchent pas. Ouais, Sony aussi, c'est incroyable. Toc à la porte tous les jours. Est-ce qu'on peut l'écouter cette chanson? Après avoir parlé pendant 20 minutes. Ouais, peut-être. Donc, ça s'appelle Now and Then et c'est a priori la toute dernière chanson des Beatles. It's all because Now and Then, c'est la toute dernière chanson des Beatles qui sera en tournée dans tout l'enjeu de Cole. Ça va. Qu'est-ce qu'il est drôle. Oh là là, l'humour, l'humour toujours. Wow. Ceux qui l'ont écouté, qu'est-ce que vous avez pensé de cette chanson? Bah moi j'ai pas écouté, je suis parti chercher des bières. Oui, mais tu as déjà écouté, j'imagine. Oui, bah c'est un morceau des Beatles quoi. Ouais, je trouve pas particulièrement exceptionnel. Après là, ce petit côté très nostalgique qui fait un petit pincement au cœur quand même. Ouais, de se dire que ça y est, c'est fini. Bon, on le savait déjà, mais je sais pas, il y a un petit côté, nostalgique, moi, je trouve, dans cette chanson. C'est ton côté que émotionnel, ça. Bah oui, évidemment. J'écoute de la musique, j'ai des émotions. Excuse-moi de pas être ChatGPT. Moi qui ai commencé à écouter un petit peu les Beatles. Eh ben... C'est pas vrai. Mais je l'ai dit la dernière émission, si tu m'écoutais un moi, peu. Je t'écoute pas. Et non, celle-là, je la mettrai pas dans ma playlist. Pardon, mais non. Non, c'est pas la plus, plus innovante, on va dire, des Beatles, plus révolutionnaire. Mais bon, c'est quand même cool, une petite chanson des Beatles. Et puis voilà, maintenant on peut dire que c'est fini. Oui, ça marque le coup, voilà. Ouais. Ça fait un petit, allez, on passe à autre chose. Moi, ça fait un petit truc comme, comme par exemple, dernier épisode de Friends, quoi. Oh, on en parle, ça y est. Mais tu c'est maintenant. Oh là là. Non, en plus, ça va. On va passer au sujet suivant. Manuela, ça va être pour ta pomme. De quoi est-ce que tu voulais nous parler? D'un podcast que j'ai écouté en allant au travail ce matin, parce que je n'avais pas énormément de sujets, ou beaucoup trop, je ne sais pas. Et il m'a pas mal marqué du sens où le sujet est... Alors, je ne me souviens plus du nom du monsieur, parce que je suis trop nulle pour ça. Mais c'est un monsieur qui est éducateur, et dans la région parisienne, et il est spécialisé donc dans tout ce qui est éducation sexuelle et éducation du coup aussi au niveau du consentement. C'est un homme qui fait ça dans des écoles du 93 et du 94, et donc c'est gros parti pris. Parce que t'arrives... Enfin, moi, j'ai grandi dans le 94, et donc j'étais dans une ZEP, en plus. Et comment vous dire que je suis pas très vieille, mais... Enfin, moi, je pense que ça doit être pire pour Seb. C'est encore les boyaux de soir. C'est vraiment gratos, quoi. Je n'ai rien demandé, le prof Seb. Gratos, quoi. Moi, je suis sale vieux, là. Et décidément, là, je prends tarif. Je avec son képier de réac. Ta gueule, gaucho de merde. Donc, du coup, sur ces belles paroles, donc, du coup, enfin, il n'y avait pas d'éducation, c'était, ouais, vous avez vu un préservatif, il faut le mettre à l'endroit, et t'as un zizi en plastique, et puis basta. Et, le lycée, c'était un peu pareil, même pire, parce qu'il n'y avait personne qui allait. Et en fait, il a un retour où ça fait quand même 20 ans qu'il fait ça, donc il en a vu passer des gamins, et il explique que... son approche en fait envers les jeunes, il a un point de vue hyper dans la masculinité, parce que bah du coup c'est un homme, et que du coup il peut pas forcément se placer en mode je comprends la femme, puisque c'est un peu illégitime, et puis surtout que t'arrives dans des collèges ou des lycées avec des gamines du 93-94 qui sont pour à 80% musulmanes, donc du coup bon, il y a un homme qui arrive blanc de 50 balais, et donc donc il s'adresse aux garçons, et en fait il dit qu'il aborde une posture d'allié au niveau du féminisme, au niveau de la femme, mais c'est assez compliqué en fait, parce que bah il se sent pas forcément légitime. Il le dit pas vraiment, mais on le ressent, parce qu'il évite un peu ce côté où il travaille, enfin où il va vers les jeunes filles, mais du coup il dit que les mecs ils arrivent quand même où tu vois c'est pas oh putain, une nouvelle féministe qui arrive à nous casser les bonbons en train de nous parler de la sexualité. Là c'est un mec, du coup tu sais, t'as le petit truc en mode on se comprend frérot, et en fait lui il arrive en disant bah non on se comprend pas en fait, genre non on se comprend pas, et je l'ai trouvé hyper cool parce que les jeunes, c'est vrai que ils sont hyper durs à aborder, et c'est pas un public qui va aller se renseigner tout seul. Alors déjà les jeunes ici ils vont pas forcément se renseigner tout seul, mais comment te dire, dans le 93 et dans le 94 encore moins quoi, et pour avoir grandi là-bas. Bon, voilà. Du coup, ça, c'est le tout dernier épisode, celui qui vient de sortir. Ouais. D'accord, donc c'est Les Couilles sur la Table, c'est sur Spotify. Oui, Spotify ou Deezer ou YouTube ou je sais pas quelle autre plateforme. C'est un jeudi sur deux et du coup là ça parle beaucoup de. Ouais, alors c'est très du militantisme féministe, souvent, très souvent. C'est pas, il y a pas, c'est très égalitaire. Hein, c'est pas féministe féminine toujours toujours contre l'homme. Non non, justement c'est très égalitaire et en fait moi j'écoute beaucoup de leurs podcasts, pas forcément tous parce qu'il n'y a pas forcément tous les sujets qui m'intéressent et là je l'ai trouvé plutôt cool, enfin il y a souvent des trucs sur la parentalité etc, je ne me sens absolument pas concernée par ça et du coup je les écoute pas, mais là je me suis dit c'est vrai que les ados, j'ai bossé avec des ados, du coup je bosse dans le sport, haha spoiler. Du coup, c'était pour le début. Du coup, c'était ça. Ah, mais c'est ça qui me donne du plaisir, moi. Voilà. Le suspense aura duré 20 minutes, je crois. Et donc, du coup, j'ai coaché des jeunes et souvent aussi des garçons. Et du coup, c'est compliqué d'aborder une posture, alors déjà en tant que femme, et en fait d'aborder des sujets qui peuvent être assez... assez soit tabou ou soit compliqué à aborder avec eux, et parce que ils ont aussi des idées en tête, ils ont tous regardé des pornos, voilà les schémas, en fait on a beau dire on est en 2023, il y a plus d'accès à ça, mais il y a encore juste cet accès là qui est genre premier, et donc en fait ils vont pas aller chercher plus loin, et enfin le clitoris ça a été schématisé très très récemment. Et voilà, bon, les jeunes, c'est tout le temps les mêmes réflexions et tout le temps les mêmes trucs et tout le temps les mêmes menaces. Et lui, du coup, il va là-bas et j'ai aimé sa façon de travailler, j'ai aimé sa façon de parler au niveau de son élocution. Et il connaissait vraiment son schéma et il a commencé à 19 ans. Pour militer contre le sida, en fait, dans une asso. Il a fini par faire. Il était béné. Et il a fini par faire salarié. Pardon. Quoi ? Non, rien, laisse tomber, j'ai fait une blague de merde. Ah. Il était béné, il a fini par faire dict, c'est bon. Bénédicte, voilà, c'était une blague de merde. C'est là qu'on voit qu'il est vieux. Tu m'étonnes qu'elle n'expose pas cette émission. Et là, je me suis auto-tué après deux tirs gratos. Du coup, j'ai trouvé, c'est Didier Valentin, aka Docteur Capote. Oui, c'est Docteur Capote. Avec un K. Tout et apparemment, il vient de sortir un livre qui s'appelle Pubère la vie à l'école des genres. Ah, pas mal. Il est pas mal. Il est très très bon. Je l'avais même pas, quoi. Oui. Fou, elle est dure, celle-là. Pubère la vie, ouais. T'as trouvé un copain. Mais il a 50 ans. Vous pouvez pas comprendre. On te l'offrira pour ton anniversaire quand t'auras. C'est un humour d'une génération. Vous pouvez pas comprendre. Mais du coup, il a sorti aussi ce bouquin et. Et je pense que c'est chouette parce que nous, on est dans une tranche d'âge un peu, je dis nous, voilà, mais je le concerne pas lui, là, sur ma droite. Mais merde. Considère-le un peu, le pauvre. C'est vrai qu'il a un pull Lidl, c'est les jeunes qui mettent. Le pull Lidl. Le képier. C'est le pull de Noël. Écoute, ils ont décongelé Maria Carré et appellent le lendemain d'Halloween, donc moi, je me suis déjà mis dans le mood. Voilà. Ah, tu me fais rêver. Donc des couilles sur la table, présenté par Victoire Touayon. Touayon. Ils sont pas d'ici, ça doit être Touayon. Un GD sur deux sur toutes les plateformes a priori. Ouais, oui. Bye. Je sais que Gwen recommande aussi beaucoup ce podcast. Ouais. Ça a l'air intéressant parce que la dernière fois j'ai eu un débat sur la place de l'homme cisgenre hétéro dans le féminisme et Alors, j'étais avec une personne qui me disait non, mais il a pas forcément de. Je disais que c'était une des pièces maîtresses dans l'avenir, c'est-à-dire que je pense que comme tu dis, dans la formation des. Moi, je vois dans le rugby, par exemple, un discours qui est très misogyne, très homophobe, très. S'il y a une femme qui vient me parler, je pense que l'écho sera totalement différent que si c'est un homme cisgenre qui vient, qui parle et qui leur ressemble et qui leur. Donne des... D'autres pistes. Qui leur donne un discours différent de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre dans la posture de quelqu'un qui est viril en face d'eux, qui est très... Voilà, qui est vraiment comme eux, qui rentre dans leur code. S'ils commencent à leur parler de féminisme, je pense que le poids sera plus important que si c'est quelqu'un... Carrément. Qui... qui vient. Donc je pense que le, comme tu as dit, la clé, enfin c'est une des clés de l'avenir du féminisme, et je pense que c'est quelque chose à travailler et... Carrément. Ah, donc du coup, je pense que c'est important d'avoir des podcasts. Vous pouvez me rappeler ou nous rappeler même pour les auditeurs si genre ce que ça signifie. Alors, exactement. En fait, si tu veux, ce qu'on appelle un homme hétéro cisgenre, c'est un homme hétéro qui se dit de il dans le mal. Dans le genre, c'est-à-dire ce que lui ressent être. Et est associé, enfin, est le même que son sexe. Que son sexe, voilà, c'est ça. Dans cette. Son identité sexuelle, non. Dans ce spectre-là, on va différencier le genre, c'est-à-dire ce qu'on ressent être. L'idée, c'est que être un homme et être une femme, c'est culturel. Ce qu'on attend d'un homme, à savoir être viril, gna, tout ça. Être un bon père. Être un bon père. Ce qu'on attend d'une femme, à savoir être douce, fraîche, etc., ce sont des constructions culturelles imposées ou en tout cas fortement mises en avant par une société. Capitaliste. Capitaliste, entre autres. La preuve, c'est que dans notre culture, ce sont les hommes qui sont des fleurs fraîches et les femmes qui sont balèzes, etc. Et l'idée, c'est que cisgenre, ça va être quelqu'un dont le genre qu'il se donne lui-même, parce que c'est la personne qui va se définir elle-même, si c'est un homme ou une femme, correspond au sexe biologique. D'accord. Moi, par exemple, je me sens homme, j'ai un pénis, je suis cisgenre. D'accord. Quelqu'un qui va se sentir homme, mais qui est né avec un vagin, va être transgenre. D'accord. Et non pas transsexuel, ça c'est différent. Ah ouais, ok. Oui, c'est vraiment différent. Et donc, généralement, les grands décideurs, les patrons, les chefs d'État, etc., sont souvent des hommes blancs, cisgenres. Et c'est souvent eux qui dominent, eux qui dominent la grosse majorité des choses importantes du monde actuel. D'accord, ok. Voilà, oui. Non mais merci de me rappeler parce que moi c'est des trucs, des considérations que j'ai pas du tout. Alors pas que je considère pas la j'entends tout ça et je le promeux tout ça parce que j'étais aussi surveillant et j'expliquais, j'essayais de faire pas mal d'éducation aux gamins que j'avais à l'internat, aux garçons, et de leur faire comprendre justement le consentement, que c'est pas. D'ailleurs j'ai pas compris tout ça, mais j'ai jamais collé les étiquettes là-dessus, donc merci de me le rappeler parce que moi j'ai pas compris la corrélation entre sexualité et consentement là. C'est quoi le rapport? Oh voilà, allez, très bien. Alors le pire c'est que tu l'as préparé cette blague. Ça fait 30 secondes que t'es là, il attendait pour le dire avec ses doigts. Ça fait 30 secondes que tu l'as placé et tu t'es pas dit bon, peut-être pas finalement. Non, tu t'es quand même dit je vais la mettre alors qu'il est nul. Mais en vrai, dans le podcast il parle sur un truc sur le consentement et j'avais trop envie de le raconter parce que ou sinon vous écoutez le podcast, mais en vrai j'ai envie de le raconter quand même au cas où les gens n'aillent pas écouter le podcast. Ça dépend, c'est long ou pas? Non. Et en fait c'est la barque à GG et ils l'appellent comme ça, et en fait c'est une fille qu'ils appellent Abby, et il y a son mec qui s'appelle Tom. Ils habitent sur deux rivages différents et il y a des ponts et ils vont se voir souvent, tu vois. Et puis un jour il y a une tempête et les ponts ils se cassent. Et donc Abby et Tom, ils sont séparés. Du coup, Abby, elle a envie de traverser. Il y a un bateau, une barque au milieu de l'eau. Et du coup, elle l'appelle et le mec vient et il lui dit, c'est pas gratuit, tu vois. Si tu veux traverser de l'autre côté pour aller voir ton mec, il va falloir me faire une fellation. Et genre, ils disent comme ça, tu vois. Donc là, elle est un peu choquée, tu vois. Elle va voir sa mère et sa mère qui lui dit, bon, écoute, j'ai pas le time pour toi, tu te démerdes, tu prends tes responsabilités et tu vois ce que t'as envie de faire, t'assumes tes choix. Donc elle finit par céder, tu vois, et c'est vraiment, ils appuient sur le céder, et elle traverse, et puis du coup elle raconte à Tom, et Tom il lui dit, mais genre dégage quoi, c'est quoi ton problème, tu vois, tu m'as trompé, machin. Donc elle dégage, et là elle rencontre Eric, et puis là avec Eric ils font, bon ben on va aller défoncer Tom, hein, on va lui niquer sa mère. Parce que voilà, sa réaction. Et en fait, c'est dans l'histoire, c'est en fait qui est le plus fautif, en fait. Et en fait, ce qu'il dit, ça met beaucoup de débats. Et je suis sûre que là, même, on va peut-être pas forcément débattre, à part si on a vraiment le temps pour l'émission. Tu dois travailler après, je te rappelle. Oui, voilà. Et du coup, en fait, tu vois, même là, il y a plein de questions qui se posent et plein de trucs qui s'entremêlent. Et je trouve ça hyper cool. Et même en dehors d'une question pour des ados sur une éducation sexuelle et de consentement, et bien ça va au-delà de ça, parce qu'en fait même nous là autour de la table on pourrait échanger là-dessus et savoir qui a forcément tort et qui ne l'a pas forcément, alors que rien n'est blanc et rien n'est noir. Bah, c'est la tempête, elle a pété les ponts, tout vient de là. C'est à cause de la tempête. Mais en fait, tu sais, c'est un facteur qui a construit ce pont. Aussi mal pour que après. Mais c'est Jules César. Souvent, c'est les pommes de César. C'est vrai. Ça pourrait être César tout à l'heure. Ouais. Je remets un truc pour Manuela. Ok, il y a des private jokes. Voilà, on rit avec, entre nous, mais aussi avec les auditeurs. D'ailleurs, les auditeurs, si vous voulez nous faire une petite blague et la transmettre à Vicente, radionoculture@gmail.com. Comme ça, moi, j'ai une petite blague pour vous. Et il les racontera. Petite blague rapide après, non, je la connais. Tu la connais non. Oui, tu me l'as faite deux fois ce week-end. Ah ouais, oui. Merde. C'est avec une tour. Oui. Oui, voilà. Oui, tu l'as faite deux fois. Tu m'as dit qu'elle était très bien. Alors, ouais. Elle est bien, elle est bien. Ouais, retard, parce que là, on prend beaucoup de retard sur l'émission. Okay. J'aimerais aussi, du coup, dans la même veine, peut-être conseiller. Je suis en train de regarder Sex Education sur Netflix. Oui, très bonne série. Qui est très très excellent. Bien et qui prend vraiment ce parti-là, sous prétexte d'une série qui est en vrai cool à regarder avec mon ambiance, de faire un point aussi sur tous ces on va dire, problématiques sexuelles. Carrément. Et de genre aussi, ça pourrait être aiguillé. Ça pourrait être aiguillé, pardon, parce que c'est vrai que c'est hyper compliqué. Énormément de sujets. Ouais. Que nous, hommes cisgenres, on n'est pas habitués à entendre parce qu'on n'est pas du tout dans la problématique parce que c'est nous qui sommes au-dessus. Donc nous, c'est pour ça que je me fais blanc. Et on vous est blanc. Donc nous, on s'en fout, on n'a pas de problème. Et donc quand on veut entrer dans la problématique, en fait, il y a beaucoup de problématiques qui nous arrivent d'un coup dans la gueule. Ouais. Et donc c'est un peu difficile au début à s'y retrouver. Et pour le coup, Sex Education va, au début des premières saisons, va prendre une problématique ou deux par épisode et doucement déroule le truc sous prétexte d'un lycée où il y a du coup beaucoup d'histoires de sexe, etc. Et c'est franchement trop cool. C'est très bien, il y a une très bonne ambiance. J'adore. C'est cool. Par contre, moi je trouve sur la dernière saison, ils ont... Ah, j'ai pas regardé non plus. Ça vient de sortir. Je vous dis pas, moi je l'ai regardé et je trouve que tout ce qu'on... Justement, on a parlé tranquillement, là, ils ont essayé de mettre tous les sujets d'un coup. Ah, peut-être qu'ils avaient plus le temps. Tout d'un coup, moi vraiment, la dernière saison, j'ai trouvé nul. Imbuvable. Mais y a, en fait, trop, c'est trop de trucs. C'est trop, ils traitent pas du coup les sujets. En fait, ils en parlent tout le temps et puis en fait, ils m'est mal. Et en fait, ils les traitent pas les sujets. Okay. Ils sont là, mais ils les traitent pas. Il y a pas de. On dirait c'est vraiment il faut, mais il y a pas de. Alors que les premières saisons, c'est vachement bien, c'est vachement bien amené, c'est traité, c'est y a une explication. Là, c'est. Notamment, par exemple, l'agression sexuelle dans le bus, je trouvais ça hyper bien amené, parce que ça dure toutes les saisons. Là, ça dure encore, mais tout ce qui arrive là, dans la dernière saison, je trouve nul. Voilà. D'accord, très bien. Moi qui me faisait un plaisir de la regarder. Mais non, mais ça sera toujours un plaisir de la regarder. Oui, après, peut-être qu'il n'y a que moi qui pense comme ça. Mais... Non, mais peut-être. Enfin, bref. Du coup, voilà, pour ce Sex Education qui est vraiment. C'est déjà très sympa à regarder. Vraiment une très belle réal, une très bonne ambiance, je trouve, dans la série. Et puis, ça aborde tous ces sujets-là de façon, on va dire, pédagogique. Ouais, c'est dans ma watching list, c'est prévu. Franchement, regarde, j'avais un peu peur que ce soit un peu trop adolescent, en fait, c'est vachement bien. J'en ai entendu beaucoup de bien et tout ça. Moi, le seul problème, c'est qu'il y a tellement de termes que je commence à m'y perdre des fois, du coup, et Fais-toi des fiches. Voilà, j'ai que ça à foutre. Bah, à ton âge, hein. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? En regardant Question pour un champion sur. Plus belle la vie. Sur Antenne 2. Allez, et Plus belle la vie qui reprend sur TF1, tu vas pas nous faire un sujet sur ça. Non, moi, j'attends la nouvelle saison des Feux de l'amour. On va passer au sujet suivant. Juste Maeve, je la trouve très belle aussi. Je voulais le. D'accord, ça c'est pour ça, par exemple, c'est un comportement extrêmement sexiste. Exactement. Non, je la trouve très belle. Parce que peut-être qu'elle a d'autres qualités que toujours la beauté pour les femmes. T'es belle, mais en fait, t'es aussi intelligente. Waouh. Mais là, je la connais pas, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus Mais Maeve, c'est le personnage. Donc, j'adore le personnage. Oui, mais Louis, j'adore le personnage. Et tu ne dirais pas ça de Otis, par exemple, ou de Jackson? Non, mais alors Otis, Otis, il est un peu bouffi sur la dernière saison. On dirait Matthew Perry à la fin de sa vie. C'est un peu que. Attends, hier soir, je regardais les âges des acteurs. Ils ont tous 10 ans de plus que leur personnage. Oui. Non, mais c'est souvent ça. En même temps, pour jouer ce qu'ils jouent, vaut mieux. Non, mais tu sais que la dernière fois, je rentre dans la cuisine et j'entends les voix et je dis mais putain, mais qu'est-ce que c'est? Ça paraissait, tu sais, des voix de genre de vraiment d'adultes, quoi. Ouais. Et j'étais là, mais putain, mais c'est quoi? Et j'entendais, ouais, le lycée, machin. Je dis, quoi? C'est encore des... Non, je rigole. Oui. pardon. Ça m'empêchait. M'étouffe. Et en fait, non, je voyais que c'était Sex Education, mais quand t'entends les voix, tu fais, ah ouais. Ils ont vraiment pas lâché. Pour ceux qui ont joué, parce que ça parle énormément de sexe, pour ceux qui ont joué, il vaut mieux effectivement qu'ils soient un peu plus vieux que le personnage. En vrai, pour Sex Education, je vais bien faire une exception. Mais c'est vrai que les séries où t'as les mecs baraqués comme des dieux, ils ont 17 ans, soi-disant, alors que nous, on avait des poches peintes, gueules là. Oui, bon, Otis, Otis, au moins j'y crois, Otis, quoi. Alors qu'il y a oui, déjà mais les autres aussi. Il y a déjà Laura Jackson, s'il te plaît. Mais elle a la majorité des films et séries américaines. Jackson, c'est des teen movies. Ou le, ouais. Voilà, c'est les acteurs ouais. Qui ont bien 10 ans de plus que ouais, ils ont l'âge de leur personnage. Ils ont des gens de 16 ans. Ouais, dans Sex Education, moi, j'adore le personnage du fils du directeur. Oui, Graf, ouais. Et qui, pour le coup, lui, ça se voit que... Il n'est pas du tout blessé ce mec-là. Quoi. Ouais, il a du poil sur le torse et tout. D'où et, je l'ai toujours pas, moi. Et je pense que c'est le seul personnage qui vaut le coup sur la dernière saison. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai que je l'aime bien aussi. Ouais, alors qu'au début, c'était un connard. Oui, mais c'est dingue. Non, mais justement, c'est pour ça qu'on l'aime. C'est parce qu'il a évolué et ça, c'est extraordinaire. J'avais un pote en seconde qui était poilu comme un ours. Hein. Ça va rien dire. Il était portugais ? Non. Oh. C'est raciste, par exemple. Ça passe pas, ça ? Coupe le montage. Après, dans les années 30, c'était peut-être différent aussi. Ah parce qu'il est vieux. Oh là là là. C'était le silence de la mort. T'allais tellement trop loin. Les années 30, tu fais les années 80 au pire ou 70. Tu vois. Les années 30, là, tu vas beaucoup trop loin. Vous compreniez vite la blague. Si j'ai dit 80, vous avez quand même. Tu vas beaucoup trop loin les années 30. Ah mais elle est tellement tombée dans le vide. Là, hein, c'est le flop. J'ai eu peur du néant là. Ah, c'était le néant. Ouais. J'ai vu le bout du tunnel. Ouais. On va enchaîner sur le deuxième sujet parce qu'on est à 1h20 d'émission. Okay. On a fait la moitié des sujets. Ouais. Non. Donc on va durer un peu de temps. Peut-être qu'on va faire ton sujet, passer directement au deuxième de Manuela. Comme ça, si tu dois partir, tu vas pouvoir. Oui, parler car ton je travaille. Sujet. Car Madame travaille, Madame. Ouais, il y en a qui bossent. Madame est capitaliste. Ouais, voilà. C'est bien la jeunesse travaille pour notre super. Retraite. Tiens, n'importe quoi, c'est mort. Tu l'as pas déjà la retraite ? Non, pas encore. Bichente, quel est ton second sujet du jour ? Alors, mon second sujet, ça va être un film qui est fraîchement sorti au cinéma. Mm-hmm. C'est le dernier Ken Loach. Je crois qu'on dit Ken Loach. Ah, du Ken Loach. Ouais, ah, il me semble. Ah, c'est ça. Ken Loach. Parce que c'est écrit CH. Moi, j'ai toujours l'édité Ken Loach. Mais je crois qu'il est irlandais, donc je crois qu'on dit Loach. Ouais, ouais, c'est Ken Loach. Alors, pour ceux qui ne disent pas en irlandais, Ken Loach. Ouais, Ken Loach. Mais c'est certainement dit qu'on dit certainement Ken Loach, effectivement. Et donc, il a sorti un nouveau film qui s'appelle Old Hawk. The Old Hawk. The Old Hawk. Ce qui est donc qui est le nom du pub dans le film qui veut dire le vieux chêne et qui a toute sa signification. Et donc c'est un film qui parle en fait dans un petit village anglais dans le nord de l'Angleterre. Je pense qu'il doit pas être loin de Newcastle parce que j'ai vu des maillots de foot de Newcastle. Donc voilà, mais il est trop fort. Il est fort. Non mais tout le monde dit oui, le foot ça sert à rien. mais au moins tu vois, tu vas voir des films d'auteurs, tu vois un maillot de Newcastle, tu sais où t'es. Ça c'est vrai que mes potes footeux sont très bons en géo. Non mais franchement, hein, c'est vrai. ça peut aider. Et donc du coup, c'est un petit village donc, qui a été ravagé par par la fermeture des mines. Donc c'est un village de mineurs à l'époque. Et... Non, Manuela, elle a fait une blague. Non. Allez, et donc du coup, qui voit arriver en 2016 des migrants syriens qui fuient la guerre en Syrie. Et donc ça raconte comment l'arrivée des Syriens change un petit peu la vie des habitants du village et comment eux ils voient d'un bon ou d'un mauvais œil leur arrivée. Et donc il y a des personnages pour, il y a des personnages contre, il y a une histoire assez bien amenée du Ken Loach tout craché. Je sais pas si vous aimez bien Ken Loach, mais je crois que j'ai vu que Le Vent se lève, moi. Ah ouais, mais je suis ouais. Pas sûr, mais Le Vent se lève, c'est celui qui ressemble le moins à ce qu'il peut faire. Ouais. Enfin, qui est un film historique, alors que les autres, c'est après, il en a fait d'autres historiques, mais ouais. Notamment sur la guerre d'Espagne et tout ça. Mais oui, c'est vrai que récemment, il est quand même très ancré dans les problèmes sociétaux anglais, et puis je trouve qu'il les raconte merveilleusement bien. Mais c'est des films assez durs quand même parce que c'est oui c'est des films oui, sociaux c'est lourd, c'est, ouais, ouais, ouais c'est sociétaux c'est et puis mais il raconte bien vraiment il met toujours la nuance parce que là il parle donc du coup de la misère des Syriens qui viennent qui fuient la guerre et racontent leur histoire et mais en aucun cas il oublie la misère anglaise aussi des mineurs, c'est-à-dire que vraiment il met en relief et il montre bien que en fait les Anglais ceux qui crachent sur les Syriens à un moment il y a un dialogue où il dit mais pourquoi tu leur craches dessus, pourquoi tu dis que c'est leur faute, t'as pas de boulot depuis 10 ans, ils sont là depuis 6 mois, en quoi c'est leur faute que c'est la merde, en rien, et puis ils t'ont pas volé ton boulot, t'en avais pas déjà avant, donc voilà il explique tout ça et puis il l'amène bien parce qu'on aime bien quand même tous les personnages, bon pas tous, mais il y a quand même. Non, mais on voit bien toute la partie, toute la complexité du sujet. Tous les parties, on peut essayer de comprendre le point de vue de chacun, c'est sûr. Ouais. Et puis voilà, c'est du Ken Loach. Il est au cinéma en ce moment, c'est ça? Oui. Ça serait bien qu'il y ait plein de monde qui aille le voir alors. Ouais. Ouais, bah oui, ça serait. Surtout c'est tanti. Ouais, non, il est très très bien. Après, je pense que il aura pas besoin de moi pour faire des entrées parce que c'est Ken Loach, c'est pas quelque chose de confidentiel. Je pense qu'il va très bien marcher comme tous ses films. Mmh. Mais voilà. Il est sorti quand? Sorti là, début du mois. Je sais que j'étais allé au cinéma ce week-end et il était encore à l'affiche. Ah. Non, mais il y est depuis une semaine ou deux semaines. Ah, voilà. Plus. Donc peut-être y aller un peu vite, parce que j'imagine que ça n'a pas non plus resté en mode 2. Mais je pense que la semaine prochaine, enfin dans la semaine ou la semaine d'après, il y a moyen de le voir. Et puis c'est un film pour une fois de Ken. Enfin, pour une fois. C'est un film qui n'a pas été présenté à un festival, donc il n'a pas eu de palme, il n'a pas eu de trucs. Donc peut-être qu'il aurait un peu moins de visibilité. D'accord. Il aura eu la palme de Vicente. Wow, quelle palme. Le choix de Vicente, le choix du mois. On va trouver un petit jingle comme ça. Et le choix de Vicente. Non, parce que je rappelle qu'il avait été palme d'or du Festival de Cannes avec Le Vent se lève. Ah, Le Vent se lève, il est palme d'or. Ouais, en 2006. D'accord. Qui est mon film préféré. Alors, je ne vais pas confondre avec Le Vent se lève de Miyazaki. Oui. Qui lui aussi sort un film au même moment. Exactement. Le garçon et le héron. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, apparemment, les deux, ça fait 4 films qui disent que c'est leur dernier film. Après Ken Loach, il commence à être un peu. Ouais, Miyazaki aussi. Mais ça fait 10 ans qu'il a pas sorti de truc là, je crois. Ouais, mais à chaque fois, les deux, à chaque fois, ils disent c'est leur dernier film, puis ils en font tout. Bon, ça, ce sera jusqu'à leur ligne mort. Hein. Ouais, certainement. Ouais, ils font une pause Kill Cat, ils commencent à s'ennuyer, ils se disent bon, bah tiens, si on remettait le couvert. Putain, j'ai une idée. T'as toujours le truc, c'est bon, j'arrête, je prends la tête. J'ai une petite idée là, ça peut être pas mal ça. Et donc voilà. Si, comme moi quand je tatoue. Et si je peux vous conseiller du Ken Loach, après regarder, il y a Le Vent se lève, il y a aussi. Très bien, très très dur aussi. Hein. Ouais. Le Vent se lève. Ouais, très très dur, mais il est génial. Et puis il y a Cillian Murphy. Que tu adores et que les gens ont peut-être découvert avec Oppenheimer. À part que j'ai regardé, alors pour la première fois, j'ai regardé The Dark Knight ce week-end. Oh là là. Mais quelle merde ce film! J'ai jamais vu. Il y a que le Joker qui surnage. Il est génial. Mais j'ai pas du tout aimé. Moi, je suis d'accord avec lui. Ah ouais, j'ai pas du tout aimé. Il y a que le Joker qui marche. Ouais, le Joker, il est hyper bon. C'est pas vrai du tout. Si. On m'avait dit, si tu verras, c'est un chef-d'œuvre. Moi, je pense que tu vis dans le déni parce que moi non plus. Mais pareil, tous les deux, vous êtes toujours contre. De toute façon, quoi qu'on vous dise. Mais là, on est d'accord contre. Oui, d'accord avec toi. En fait, quand on est 50-50 dans une pièce. Ouais. Hein? Oui, mais sachant que c'est un des films les mieux notés de tous les temps. Oui, parce que c'est noté par qui? Bah, merci Sledger. Enfin, moi j'adore. Mais merci Sledger parce qu'il fait une performance incroyable. Ouais, Joker, après, Bon, Christian c'est Bale, grâce à lui. Grâce à lui. J'adore Christian Bale. Mais moi, on m'avait dit, tu es incroyable. Moi, je le trouve nul en Batman. Il a été surcoté. Même George Clooney, il est meilleur en Batman. Non, n'importe quoi. C'est là où on voit la mauvaise foi. Non, mais c'est de la provoque. Pour dire que moi, je le trouve pas exceptionnel. Moi, j'adore, c'est un de mes films préférés. Moi, non. J'étais gros fan de la trilogie, évidemment. Du coup, le deuxième avec le Joker, c'est mon préféré de chez préféré. Et puis, excuse-moi, en troisième, on a la mort au cinéma la plus magnifique d'anthologie du monde, quoi. Marion Cotillard qui meurt. Marion Cotillard, d'ailleurs, qui est l'épouse de ton meilleur ami, Michel. Oh putain, Game Connection. Et d'ailleurs, j'ai regardé le Astérix et Obélix. Oh, c'est pas vrai, alors. J'ai pas vu. Hein. Alors, je sais pourquoi je critique. Hein. Mais je n'ai pas rigolé. Mais moi, je déteste ces films. J'y suis même pas allé. Je ne veux pas voir. Alors, moi, j'ai regardé sur Canal parce que je l'ai tellement critiqué sans le regarder. Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Il a fait des bons trucs. C'est un très bon acteur de drame. Mais alors, lui, écrire des films. Comique, il faut qu'il arrête, il faut qu'il n'ait pas de rôle. Comique, non, comique, d'accord. Mais il a fait les petits mouchoirs. Rock'n'roll, je pense que c'est le film le plus catastrophique. Ah ouais, voilà. Non, mais vraiment. Non, mais... Franchement, avec Cineman de Yann Moix, je pense qu'on n'est pas loin. Hein. Mais après, il a fait des drames ou quoi. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, je ne suis pas un gros fan du cinéma français. Donc, pour dire que j'aime des films français, il faut vraiment qu'ils sortent du lot. Mais son film, merde, j'ai le nom sur le bout de la langue là, avec les chevaux là où il est. Jumper. Non, voilà, bon, bref, très bien. Enfin, il a fait quelques films qui sont vraiment, vraiment bien, mais plutôt dans dans le genre drame ou quoi que ce soit. Ouais, les comiques, je suis d'accord avec toi. Arrête, quoi. Guillaume, si tu nous entends, arrête. Et si je peux juste... Deux petites sorties cinéma que j'atteins. Tu peux, vas-y. Il y a le prochain Quintaine du Pieux, donc 3 mois après quasiment l'année dernière. Mais c'est, Dali, Dali, je pense que celui-là... Alors, soit... Je s'arrête jamais, j'ai pas le temps, c'est fini. Mais là j'ai un peu peur parce qu'il a quand même... je pense qu'il a un casting de fou. Je pense qu'il a un peu trop un beau casting pour que ça soit... Tout ce que j'ai compris, Dali, il va être joué par différents acteurs. Enfin, c'est un truc... Il y a Jonathan Cohen aussi. Ouais, Jonathan Cohen. Ça, ça va être encore un truc complètement incroyable. Je pense que ça va être incroyable. Celui-là et l'autre. Et l'autre, là, il est sorti et j'aimerais bien le voir. C'est le dernier Scorsese. Flower. The Flower of Killer Moon. Ouais. The Killer of the Flower Moon. Ouais. C'est ça. Ouais. On a tout mélangé. Oui. Je voulais le voir aussi, mais. Mais à ce qui paraît, il a fait. Enfin, il a pas du tout été bien reçu. Moi, je voulais trop le voir. Après, c'est 3h30. Ouais. Donc, faut prendre une après-midi, quoi. Mais. J'ai pas lu, en fait, si tu veux, j'ai pas voulu lire parce que je voulais le voir, mais. J'ai vu qu'il y avait eu une. En fait, il a eu une mauvaise critique quand il est sorti que pour les médias au départ, enfin, quasiment que pour les médias, parce qu'en fait, il y a eu une lecture, donc tout le monde a dit oui, mais aux États-Unis, il a pris le prisme de filmer ça du côté blanc, du côté blanc, en fait, parce qu'en fait, c'est les blancs qui sont infiltrés dans une. Enfin, infiltrés, qui ont tout volé dans une réserve qui avait du pétrole, du réserve indienne. Et en fait, il s'en est expliqué, et apparemment. Que comment il a essayé d'expliquer, ça l'a bien sorti. D'accord. Mais moi, je pense, j'adore Scorsese, donc. Après, il se le prend rarement, hein, Scorsese. Ouais. Et même quand il sort de trucs mafieux, moi, j'avais été voir Silence au cinéma, qui parle de missionnaires catholiques au Japon. C'était un sacré claque, quoi. Le mec, il sort vraiment de ce qu'il sait faire, et pourtant, il maîtrise vraiment bien ce qu'il fait. Puis il fait des plans incroyables, je trouve. Il est très très fort. Il est très très très fort. Donc ouais, j'avoue que celui-là, j'aimerais bien le voir aussi. Ouais, moi aussi. Après 3h30, j'avais vu son dernier film qui durait 3h30 aussi, je crois, sur Netflix. Mais sur Netflix, je l'avais vu en deux parties. The Richman, ouais. Je l'ai pas vu encore. Il était très bien. Ouais. Mais sur Netflix, je m'étais permis de le regarder en deux fois, quoi. Oui, tu là, 3h30 au cinéma. Mais après, je me dis qu'il t'a en vrai, je pense que pour moi, ça passerait mieux au cinéma que justement à télé. Ah ouais. Mais en fait, au cinéma, moi, j'aime bien. Je crois que le dernier Matrix aussi était un peu lent, presque 3h. Et en fait, quand je suis rentrant avec un méga son et un méga écran, en fait, tout passe tout seul. Avec un paquet de popcorn XXL. Ouais, pourquoi pas. Mais en fait, à la maison, t'as trop de distractions, quoi. T'as ton portable, t'as du bruit au truc. Ouais, quand t'es pris dedans, ça passe tout seul. Par contre, si le film, il est. Tu sais, il a des creux ou quoi que ce soit, et que là, tu commences à faire. Là, tu la sens passer. Après, généralement, Scorsese, il rime bien, quoi. Mais moi, mon problème, c'est ma vessie. Comme les camionneurs, tu prends une bouteille vite, tu vois, et puis hop. Et on va faire un jingle, les conseils de Seb aussi. Les conseils du vieux. Ouais. On va passer à la suite. Manuela, quelle est ta deuxième recommandation? Donc, ça, on va pouvoir te laisser partir après pour que tu ailles travailler, charbonner. Tout à fait. Quelle est ta seconde recommandation? Il faut ramener l'argent, oui. Et oui. Pour manger. Et oui. Des pâtes carbonara. Allez, enchaîne. Encore. Je parle du Metalloween qui se déroule à Hendaye. Mais qu'est-ce que c'est le Metalloween? Eh bien, en fait, c'est un festival qui est juste avant Halloween. Enfin, juste avant parce que, en fait, le week-end, c'était avant Halloween. Mais c'est dans... le week-end d'avant, généralement. J'ai compté dans 4 ans, c'est bon. D'accord. J'ai compté. Très bien. Dans 4 ans, Metalloween te tombera à Halloween. Voilà. Eh bien, tant mieux. Pour l'instant, non. Donc, bref. C'est quoi, c'est des soudeurs qui fêtent Halloween ou... Oh, ça, c'est une blague de papa, c'est une blague de vieux. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Celle-là. J'ai pas de silence après mes blagues. Ah ouais, entre celle-là et 1930, qu'est-ce qui t'arrive, chanté? Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu veux pas que je fasse ma bonne blague alors? Ah non, mais tu étais au top et là, t'es en train de dégringoler. Ouais. C'est, ah ouais, je sais pas si tu vas revenir la prochaine fois, je te préviens. Ah, la chute. On va trouver une autre. Mais tu m'empêches de faire ma blague la plus drôle. Ah oui. Enfin, à la fin de ça, tu fais ta blague, okay. Avant que je parte. Juste avant qu'elle parte, tu fais ta blague. Et du coup, j'y suis. Bon, j'y étais l'année dernière, j'y étais cette année, et j'ai découvert un groupe que j'ai bien aimé. Juste rappelant, Metalloween, festival de métal, du coup, à Hendaye, juste avant Halloween, c'est sur 2-3 jours. C'est sur 3 jours, c'est vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Mais c'est en salle, c'est pas en mode festival d'été. Non, c'est la salle de Hendaye qui ne. Petite salle refait à neuf, très sympathique, avec une très jolie sonorisation. Très, très. Il y a quoi, 500 personnes là-dedans, comme ça? Un peu moins peut-être? Je prends. Bon, bref. Je sais pas compter, donc, perso. Et donc, tu as été au Metal Halloween et c'était bien. Oui, c'était bien. En plus, j'ai filmé et ça, c'était cool. Mmh. Enfin, c'était cool pour moi. Pour les gens qui ont ma carte SD, je suis désolée parce que c'était pas moi le caméraman de base. Voilà. Je te donne un coup de main, c'est bien. Oui, il y en a d'autres qui ont vraiment mieux fait que moi. Mais j'ai pris des photos et voilà, c'était cool. Et en fait, j'ai découvert un groupe qui était vraiment hyper cool. Mmh. En fait, il y en avait deux et ce groupe-là, ils ont envoyé un peu plus de pêche. Donc, j'ai mis celui-là. Il a un peu moins... Parce qu'en fait, l'autre groupe, il ressemble un peu à Menra. Et Matini, il n'aime pas Menra. Donc, je savais qu'il allait bitcher. Donc, du coup... Non, parce que j'adore la société. Je trouve que ça ne ressemble pas du tout à Menra. Ouais, mais ça ne ressemble pas à Menra. Non. Pour le coup. Mais là, l'autre, oui, beaucoup trop. Donc, et Montagne, j'ai découvert Montagne, que je ne connaissais pas. Et ils étaient vraiment cool sur scène. Et j'ai aimé le son. Alors, je t'ai envoyé un son parce que je trouvais pas plus sur YouTube. Ouais, et j'ai trouvé en deux exemplaires. Il y a un clip sur YouTube et il y a aussi la chanson Chante toute seule. Elle s'appelle Fouen, F-O-E-H-N. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Tu sais pas non plus. Je sais pas. Je l'aurais pas demandé. D'accord. Donc, un coup de ça, du coup. Boy. Donc, le groupe, c'est Montagne. Boy. Avec Fouen. Boy. We'll be right back. On écoutait le groupe Montagne, c'est la sélection de Manuela avec la chanson Fohen, F-O-E-H-N. Alors ? Montagne, montagne. Eh ben dis donc, 1h30 d'émission, ça vous fatigue. Non, c'était sympa, non, non, c'était sympa. Ouais. Mais, plein de variations dans le même morceau et c'est au bout d'un moment, vous nous amenez où là parce que... Ça fait presque deux morceaux différents coupés, remis ensemble. Ouais, voilà, c'est ça. Avec un truc presque instrumental. Il chante pas beaucoup, pas sur ce morceau, je sais pas si en concert. Et moi, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'il gueule beaucoup et donc du coup, c'est cool. Et quand il s'exprime, c'est juste quand il faut, comme il faut. Et c'est cool. Après, moi j'aime bien en concert, c'est-à-dire de changer ses variations. Pas forcément à la fin, c'est bien de pogoter, tu vois, mais je trouve que ça calme, ça t'amène à réfléchir sur les harmoniques, la mélodie, etc. Je trouve ça chouette. Ils ont envoyé une super énergie aussi sur scène. Quand ça tape, ils tapent. Et quand c'est calme, ils envoient aussi beaucoup d'énergie. Et c'était vraiment hyper cool. Et le nom Montagne, je sais pas, simple, efficace. J'aime bien la montagne, ça passe bien. Donc Montagne, c'était au Metalowin, c'est un festival organisé par l'Anetik Egina, oui. L'association qui organise ça, ils organisent des concerts un peu tout l'année, oui. Et surtout c'est une école de musique. Oui. Donc vous pouvez écrire vos enfants à l'école. On n'a pas d'enfants. Et je suis pas sûr qu'il y ait des cours pour adultes, pas beaucoup. Je suis pas sûr. Vous pouvez aller voir sur leur site Instagram. Tu te rappelles, on y était l'an dernier pour Boisson Divine. Ah, je me souviens, bah oui, bien sûr j'y étais. Moi aussi j'y étais, on s'est pas vu. Bah, on se connaissait pas. C'est ça. Hein. Donc c'était le Metalowin, voilà, donc c'est juste avant Halloween. Oui, ou dans 3 ans, 3-4 ans. Ou dans 3 ans, c'est pour le jour d'Halloween. Oui. Et du coup, c'est sur le week-end avant Halloween, sur ce vendredi, samedi, dimanche. Oui. Cette fois-ci, c'était ça. Alors je crois qu'il y avait en plus le jeudi, mais un seul concert, c'était un ciné-concert. Oui, je crois jeudi, qu'il y a eu une chose comme cela. Mais c'était quelque chose comme ça, enfin, je pense que selon ce qu'ils ont comme groupe, ça dépend aussi de ce qu'ils font. Chente, est-ce que tu veux nous faire une blague? Ah oui. Ah hein. Allez, vas-y. Est-ce que vous savez pourquoi la tour de Pise elle est penchée? Moi je la connais déjà. Hein. Je la connaissais celle-là, ouais. Et tu te souviens de la réponse ou... Ah, j'ai rien qui me revient là, mais. J'ai entendu deux fois samedi en moins de 4 heures. Donc je me souviens, mais. Parce qu'elle a plus de réflexes que les tours jumelles. Wow. Oh, ah non, je connaissais pas cette version. Ah, ok. C'était pas celle-là. Ah, du tout. Ah, tu pensais qu'il allait avoir une bite dans l'histoire? Oh, hein. Non, non, tout de suite. Non, du tout. Avec toutes les conneries que tu vas couper au montage, franchement, je pense que tu vas revenir à un format plutôt correct. Hein. Vous me fatiguez. Mais quoi, je parle du beat. Ah oui, c'est ça. Oui. Alors, tu te tais. Merci. autre chose à ajouter sur le Metalowin? Non, la blague de Bichente était drôle. D'accord. Merci Bichente. Non, moi je voudrais juste rajouter un truc par rapport à ce festival, qui est quand même intéressant. C'est qu'ils essaient d'inviter un maximum de groupes locaux et... Oui. Peu ou moyennement connu, enfin moyennement connu, on va dire, vous n'allez pas trouver les grosses têtes d'affiches que vous avez dans les festivals tout l'été, quoi. Et du coup, c'est l'occasion de faire des découvertes et des belles découvertes, ouais, quoi. Franchement, donc, c'est très varié aussi. Ouais, très varié. Des trucs très différents. Et c'est pas que des Français, quoi. Donc, ça vient de. Ils essaient d'avoir une programmation assez éclectique, internationale. Donc, franchement, c'est très sympa. Seb, justement, tu vas continuer à prendre la parole et tu vas nous parler de ton second sujet. Oui. Ah, du coup, tu vas nous quitter? Tu vas nous quitter, tu as le temps encore un peu... Il est quelle heure, là? Ah, il est quelle heure? Il est 20h42. Oh, voilà, vous êtes dans les coulisses de l'émission pour les auditeurs. Le making-of dans l'émission. En direct. Personne n'a jamais fait ça avant. Le mec qui va écouter ça dans sa bagnole à 13h, il fait quoi, je suis à la bourre Mais il fait pas nuit. Il a perdu le port. D'accord, donc là, t'es au max de ton humour, là. D'accord. Eh ben. Mais il n'y a pas l'expression du visage, mais j'ai hyper bien joué le mec dans sa voiture, franchement. C'est vrai que tu joues bien les mecs dans la voiture. Il était dans une 206, c'est vrai. Ça se voyait au niveau du volant. Ben oui. Seb, donc. Oui, eh ben écoute, cette fin de semaine dernière, je suis tombé sur un truc qui a rempli deux des cases de choses que j'adore. Johnny Hallyday. C'est-à-dire. Le Futuroscope. C'est une blague du Palma Show, j'ai rien menti. Allez, ça c'est fait. Donc à savoir les formats courts et les savoirs inutiles. J'adore, je sais pas pourquoi, découvrir des savoirs inutiles parce qu'ils ne servent pas des masses forcément aussi, dans le quotidien. La plupart des gens, eh bien. Voilà, mais ça me fait marrer. Et là, je suis tombé sur Alors, c'est extrait d'une émission qu'il y a sur Arte qui s'appelle 28 minutes samedi. Et intervient pendant l'émission David. Alors, excusez-moi si j'écorche le nom, mais je ne sais pas si c'est Castelo ou Castelo Lopez. Alors, je crois que lui, il dit Castelo Lopez. Castelo, il est portugais. Alors, du Castelo. Coup, Castelo, c'est plutôt espagnol. Non, c'est espagnol, il est portugais. La tortilla. Portugais Lopez avec un Z, avec un S. Voilà. Ben. Lopez, oh, le bilingue ici, Lopez, c'est la langue. Lopez. Oh là là. Donc voilà, qui durant l'émission 28 minutes samedi va faire son intéressant, et c'est le titre de son petit format court. Ouais. Et moi j'aime beaucoup le ton et tout ça, parce qu'en fait il va répondre à des questions limite d'école que tu trouverais dans les cours d'école, tu vois. Et en 3 minutes, il va répondre à la question de manière très, avec un ton assez drôle, mais de manière très pertinente. Voilà, c'est comme ça, très c'est efficace, comme ça, même. Efficace, pim pam, voilà, parce que c'est 3 minutes. Hein. Ça a démarré ce format il y a un an, en novembre 2022. Et là, aujourd'hui, on est à 33 émissions. J'ai compté cet après-midi parce que celle de samedi est sortie aujourd'hui. Mmh. Et j'adore, parce que tu as les questions complètement « what the fuck » en mode « est-ce qu'on peut respirer par les fesses ?» Et la réponse est oui. Alors, techniquement, là, comme maintenant, non, mais il y a la tortue, par exemple, qui respire par les fesses, si elle en est contrainte. Et un chercheur japonais qui a fait des essais et, sur un cochon et je sais plus. Et qui a injecté un liquide avec rempli d'oxygène par l'anus et effectivement je crois que c'était cochon et souris un truc comme ça, j'ai oublié, ça marche. Bon. T'as des questions comme ça complètement what the fuck ou des questions un peu plus sérieuses genre comment les singes où on sait qu'ils viennent d'Afrique sont arrivés en Amérique du Sud. Et donc, il explique, y a des théories, tu sais, genre, ils sont passés par le détroit de Bering à l'époque, elle était gelée, tout ça. À 381, Paris Charles de Gaulle. Non, apparemment, ça serait radeau. Parce qu'à l'époque, il y avait des énormes déluges de pluie en Afrique. Et donc, grosse tempête, tout ça. Et restant accrochés à des arbres, ils ont dérivé jusqu'à arriver sur le continent d'Amérique du Sud. Ah ouais. Voilà, donc il répond à plein de questions. Une autre aussi, est-ce que décorner les rhinocéros permet de les sauver? Alors, quand il explique au début qu'ils font ça pour éviter d'attirer les braconniers parce qu'ils vont chercher les cornes, tu dis, bon, c'est peut-être une solution. Mais en fait, oui, ils ont noté vraiment une chute du braconnage. Mais en contrepartie, ils ont noté que les rhinocéros changeaient totalement d'attitude, devenaient de plus en plus peureux, asociaux et tout ça. Et du fait qu'ils n'ont plus leurs cornes, quoi. Donc, voilà. Donc, plein de petites questions comme ça. C'est très marrant, tu les dévores, moi je les ai mangés en 3 jours, et encore gentiment quoi. C'est vraiment, c'est du 2 minutes quoi, hein. Je crois parfois c'est même 1 minute 30. Ouais voilà, parce que t'enlèves le générique et tout ça, ouais vraiment, t'en as pour 2 minutes. C'est sur arte.tv. Ouais, voilà. sur YouTube aussi, t'as ça avec un peu de décalage. Voilà, sur YouTube, voilà. On peut le trouver aussi. C'est gratuit et je trouve que c'est très très sympa, très intéressant. Ouais. Et voilà, la dernière vidéo de celle de ce week-end, c'était « Pourquoi on ne met pas des panneaux solaires au Sahara ?» C'est vrai que quand tu poses la question comme ça, tu dis, ben ouais, c'est une grande étendue du désert, il y a plein de soleil, tiens, on met des panneaux, et ben il explique qu'en fait, c'est pas une bonne idée. Et il t'explique pourquoi, et là tu fais, ah ouais, putain. Ouais, voilà. Mais simplement, et puis alors, j'adore le ton, l'humour. C'est, il est très fort. Ouais, très très fort. Et donc je le conseille vraiment, vraiment. Et si vous aimez donc ce petit format intéressant, David Castelo-Lopez a aussi fait d'autres formats, notamment sur une chaîne suisse où il va juste se poser des questions sur la Suisse, un peu de la même façon, mais en format plus long. Et surtout, il a fait un format qui s'appelait « Depuis quand ?» qui dure entre 3 et 6 minutes, et il va se poser le même genre de questions un peu con. Depuis quand ça existe les digicodes, depuis quand il y a les bips sur les camions quand ils sont en marche arrière, depuis quand est-ce que telle police d'écriture est utilisée partout, et voilà, il est très fort, pour le coup ça c'est en vidéo, c'était sur canal à un moment donné, mais il y en a beaucoup beaucoup sur YouTube de façon plus ou moins officielle, et pour le coup là il prend plus de temps, donc il y a quand même beaucoup plus de blagues et tout, et puis il va réellement sur les lieux où ça a été inventé, donc souvent il va aux États-Unis, souvent il peut partir au Japon, etc. Et il trouve généralement soit la personne qui l'a inventé, soit un des descendants, et il les fout toujours dans des situations un peu cheloues. Je trouve que c'est le moment où ils disent « Bonjour, je suis Truc, et je suis le petit-fils de celui qui a inventé le basket », et toujours petit silence, un peu lent, un peu gênant. Je connais après mes blagues. Hein. Où tu attends, ouais, voilà, où tu attends de voir ce qu'autre il a, il fait « C'est bon ?» Et du coup, voilà, il est très drôle, et puis il fait de la musique, et c'est lui qui fait toutes les chansons, et souvent c'est très très con. Est-ce que la police d'écriture vient oui. de la police Je ne sais pas. D'État ou est-ce que c'est la police d'État qui c'est vient l'inverse, de la police d'État. Il faudrait demander à David Castelopez. Mais par contre, il a fait. On peut pas lui envoyer des questions. Oh, peut-être. Je chope son mail et tu l'envoies. Alors est-ce que maintenant que t'es dans le show business, est-ce qu'on est comme des lézards quand on nous coupe la queue, elle repousse Alors je crois que j'ai pas donné le titre, le nom de ces petits formats courts là dont c'est j'ai parlé. Intéressant. Ça s'appelle intéressant. Ouais. J'avais. Oui. Ouais. On l'avait dit. Ok. D'accord. D'accord. Et par contre, il avait répondu à la question d'où ça vient le bonjour. Hein. Le « en » à la fin des phrases qui est surtout à Paris et qui s'appelle le « e préposal e préposal oui. ». Et donc, il répond à cette question avec une chercheuse oui. Parce que en langue. Le, bonjour. Le parisien est quand même un des accents les plus marqués de France. On pense toujours que le parisien, c'est l'accent parfait en français. Eh bien non. Non. L'accent parfait, je crois qu'il est de Tours. Alors oui, alors, selon les Jean-Michel perfection, puritanisme, tout ça, alors que bon, en vrai, ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens de dire que tel accent est parfait. J'étais sûr. Ça n'a aucun sens. Mais réfléchis ! T'allais trouver quelque chose à redire. Je t'amène une information sur un plateau pour rendre cultiver nos auditeurs. Et voilà. Eh ben, excuse-moi et voilà. de ne pas adhérer à la vision globale de cette monarchie de la langue. Mais oui, mais moi je suis. Quoi ? Moi je suis comme César. Voilà. Que tout le monde soit patriote. Comme César, okay. hein. Ouais. Patriote, hein. exactement. Mais pourquoi tu parles? En fait, c'est Marc-Olivier Fogiel en fait que tu. Bah oui, ah oui, bah complètement. Ouais. Tout à fait. Hein. Ou autre appel sur l'autre l'homophobe. La fille. Ouais. Ah ouais. Moi, je pense que l'on s'excuse contre la défense. Nature. Dans la défense là. Ouais. Je sais pas. Je connais pas Paris. C'est contre nature. Hein. Ouais. Je crois qu'il met cet extrait d'ailleurs dans son émission. C'est contre nature. Hein. Non, mais je pense qu'il faut les soigner. Hein. Ouais. Je pense parce que c'est une souffrance. C'est une souffrance pour un. Non, je pense que vraiment. Bon allez, on se décale un petit peu. Donc intéressant, il y a tout sur YouTube, il y a tout sur le site d'Arte qui est décidément extrêmement bien fourni. Et l'application. Et l'application. Intéressant, qui est donc un format qui est dans l'émission 28 minutes d'Arte. Et donc moi je vous conseille en parallèle sur David Castelopez et surtout son format depuis quand. J'irai voir Manuela, ça. Te reste 10 minutes avant de travailler, qu'est-ce que tu fais? Elle nous dit au revoir, adieu. Moi j'ai envie de dire Manuela, Manu sera plus là. Oh là là, allez très bien. Bah du coup je m'en vais. Oui bah c'était quoi ton sujet Matine quand même? Mon sujet, moi je voudrais parler de Awen qui est le groupe de Odaï Barocho, chanteur de Bissio, qui a sorti aujourd'hui. Je peux partir moi aussi. Au moment d'enregistrer. Arrête, tu vas écouter l'émission, va t'en vouloir après. Qui a aujourd'hui, bah, en fait, je cherchais un sujet et il m'a envoyé un message, comme il le fait souvent, pour envoyer leur tout premier clip, du groupe. Et du coup, je voulais en parler. Ouh, c'est un avant-première alors. Trop cool. C'est un avant-première. Au moment où on enregistre, c'est sorti aujourd'hui, mais ça va être. Non, on enregistre 3 jours avant la diffusion. Pour que les gens se remettent. Il est 20h50. Donc pour vous, si vous l'écoutez à l'heure et ou dans la semaine, c'était lundi dernier. C'est un avant-première décalé. Ouais, du coup, c'est plutôt. Du coup, c'est une après-première. Très bien. Et donc, voilà, moi, je voulais parler de ça. C'est un groupe composé donc, de Odaï Barocho qui est, je pense, qui a été créé par lui, ça s'entend un peu. Odaï Barocho, donc, qui, sous le nom de Odaï, a une carrière solo de rappeur et qui s'est fait connaître avec BCO, où ils étaient deux rappeurs et, un DJ, un producteur. MC. Oui. MC, justement, c'est celui qui chante. C'est lui. MC. Ah oui, je suis con. Ah bah oui, Bichante. Oui, un DJ, ah, oui, c'est ça. Je suis fatigué. Donc ils ont sorti, moi je les ai vus en concert à Itasu, je crois que c'était leur premier concert pendant les fêtes d'Itasu en 2022. Et je sais pas, j'étais pas entré dans le truc, faut dire que je suis pas du tout un gros fan de rap. Mais pour le coup là, du coup j'ai écouté parce que je suis curieux et j'ai trouvé ça vachement bien. Y a un clip qui va avec qui est aussi très très bien foutu. Après on sent que c'est une prod pensée pour du rap. Mais il y a quand même des musiciens derrière. Donc, je disais au départ au show qui rappe et qui écrit les paroles. Il y a Pierre Sangla à la batterie, Peyo Lambert à la basse, Bastien Marianne à la guitare, Patchy Amulé au synthé et Xavier Echeverry au violon. Mais en même temps, c'est du rap, non? C'est du rap. Donc, pourquoi. C'est normal que ça soit pensé pour faire du rap. Si c'est, non, si c'est non, un instru pour faire du rap, c'est normal qu'il pense. Je veux dire que l'instrumental rap. Fait très. Fait à un format très. Très rap, mais que fait par un producteur. Tu sais, les producteurs, quand ils prennent des samples et qu'ils vont te construire un morceau de rap, sachant que là, c'est des musiciens avec des vrais instruments, avec des rimes, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus musical dans le sens un peu plus. Je sais pas quelque chose qui ait vraiment un format aussi formaté rap. Et pour le coup, ça, je trouve ça presque un peu dommage. Cela dit, il y a quand même un très gros boulot sur la musique. C'est cool d'avoir un violon. À la guitare, il fait vraiment des trucs qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Je crois qu'il est en ce qu'on appelle en cocotte, c'est-à-dire qu'il étouffe ses cordes pendant qu'il joue sur quasiment tout le morceau. Et ça, il y a un truc qui sonne vachement bien. Donc, ils ont sorti ça aujourd'hui pour nous, donc le 6, lundi, pour ceux qui écoutent ça en direct à la radio. Et lundi dernier, si vous écoutez ça en replay, mais pas trop longtemps après sa sortie. Voilà, on va écouter ça. C'est le premier... C'est le tout premier morceau qu'ils ont sorti. Okay. Ça s'appelle BC. La chanson s'appelle BC. Mmh. Le groupe s'appelle Auhen, A-U-H-E-N. Okay. Et avant d'écouter, on va dire au revoir à Manuela. Bye. Bye. Salut, bon sport. Gaol. Merci d'être venu, j'espère que tu t'es amusé. Miloš Keranić. Oui, je me suis amusé avec des blagues drôles. Je me suis amusé. Oh là là, vous êtes fatigant ou fatigué, je ne sais pas. Voilà, des blagues nulles. Oui. Voilà. C'est pas moi là. Oui, mais c'est souvent toi quand même. Ah bah là, j'ai. Donc merci Manuela d'être passé entre tes deux services. Oh là là. Et on te dit peut-être le mois prochain, ou on verra, oui. selon comment, très bien. Selon qui viendra dans cette émission. À des choses intéressantes. Ah ben toujours intéressant par David Castellopez, tu veux dire. Intéressant. Voilà. On écoute BC du groupe Auhen, du coup du rap avec des vrais instruments derrière. C'est un peu lent, mais en fait je trouve que ça monte en puissance tout au long de la chanson. On va mettre des règles dans cette émission parce que moi j'écoute du punk, donc mes extraits ils durent 30 secondes. Vous nous faites chier avec du métal, du rap, du truc, ça dure 8000 ans. Chanté. Putain, souris ton langage, s'il te plaît. Excuse-nous d'aimer les choses profondes. Je mettrai l'électro, tu verras, avec des morceaux qui durent 15 minutes de minimal. On va voir qui c'est qui va chier les bulles. Ah, voilà, Bichente dans toute sa splendeur, à mauvaise foi incarnée. Mais pas la mauvaise foi, c'est vrai, vous mettez des trucs qui durent 3 plombes. Et alors, on a le droit, ça existe. J'espère que ça va être bien. Toi, avec ton format radio étriqué là. Mais au moins le punk, c'est bien, on n'a pas le temps de se faire chier. Bon, allez, on écoute BC du groupe Auhen et on en parle après. Baia ezean, ez abaian, zotegira ugari, lotuzkudari, guari, lurrari zerua ebatxin naian. Zangoak lurrean ez dituztenekin, obe ez joan bidaian, jana emateko presgira. Baina ez ditugu nahi maian, nun baita artea bada, jaso dugunetik ematen dugun hortara. Promesak mara-mara, baina iristean erraten diegu, ara-ara. Modu anitzetan, itzeko herria, galdote da itzetan, afitxetan. Adierazten badu egiten ez duena ekintzetan, hemen zer ari du, zer gira hariku, zelur zediru, zer gure azera jena, gezurra iduri du. Baina nork eman digu besten gana gintzeko baimena. Nor da jokoan sartu, privilegio zartu, ta onartzea da zailena. Obe ez zaintzat hartu, bere lagunari biziak entzeko gaitena. Ez da argi zer dion egiak, gezurrak ez algaitu erotu. Sustraiak ditu sakon egiak, mina oraindik ez da deserrotu. Lehen busti ziren begiak ez ditu soak idortu. Gure arteko amildegiak ez ditu itxasoak sortu. Hemen zer ari du, zer gira ari gu, zer urze diru, zer ze gure azera jena, gezurra iduri du. Baina nork eman digu besteen gana gintzeko baimena. Nor da jokoan sartu, privilegio sartu. Denbora ez taldatu, taun hartzea da zailena. Ube ez zaintza tardu, etxaitza tardu. Bere lagunari biziak entzeko gaidena. Ez dakit aintzinera guazen baina. Ez dugu atzera begiratzen, ez baztertzen, ez bidatzen. Ez gaitu inortiratzen, miseriaren ondoan gabiltza legu eroso bat bilatzen. Tastean komplikatzen, zerbait korapilatzen. Asimilatzen dugu zertako asibilatzen. Gurea konpondu baino, segitzen dugu oraino. Beste nerrotak zilatzen. Elkartasunez, zintzotasunez, begiak ditugu esi. Zuriak buru beltz, gure gudu ez, buru ez, ez otegoa ziesi. Egin dugu eskalagu bageneki bezala, zein den ala, zeinek zer duen medezi. Asmatuz dago nagortzen, mamia biguntzen eta gogortzen. Orain ez dago talenago horzen, ez ote digu zalantzari sortzen. Nahi dugu bizi, baina txean ere gaude bitxi. Ulertzera zalgira iritsi, guzia ez dela lortzen. Ekinak eginda erranak erran, utzita ekin jasun nola eman. Zer dezake ez zunda dezakedan, barka ez dugu iturri beretik edan. Kenu erdi seriotan, egon gira beti hortan. Gure privilegiotan, nor urperan noregan. Gure planguntza betetarik, atxedenik ez neketarik. Dastatu arren denetarik bat gehiago gira bestetarik. Dudak, surat, urpean ere daude mugak. Arraina gora dara matzaurak eta urpera aztutako aingurak. Obeda pentsatzen jarri lehen nola biziginen. Salto egin ezarri zarri zer liteken ediren. Galderak egin beza salto, erantzunik ez dugulako. Joanak joan direlako zergatik etortzen diren. Lehen nola orai, akatsak ere doai. Hortara doan hor nahi ezin dugu bizi. Bizia bizi gai, zeriotza bizi gai. Ola nortu bizi nahi ezin dugu bizi. Lehen nola orai, akatsak ere doai. Hortara doan hor nahi ezin dugu bizi. Bizia bizi gai, zeriotza bizi gai. Ola nortu bizi nahi ezin dugu bizi. Ez ezin dugu bizi. Ez ezin dugu bizi. Ez ezin dugu bizi. Ez ezin dugu bizi. Ah ouais, avec le titre BC, ça va être la dernière recommandation de cette émission. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé, Bichente, toi qui trouves ça un peu long parfois? Non, après moi, le rap en basque, alors moi j'ai un peu de mal, parce qu'au niveau vocabulaire, c'est vrai que je suis assez limité. Mm-hmm. Donc du coup, en fait, sur les premières écoutes notamment, j'ai du mal à comprendre, il faut vraiment que je lise les textes pour... Ouais. Alors, pour le coup, sous le clip, il y a le texte, alors, okay. C'est un méga texte, parce qu'il y a, je crois, 6 minutes de chanson, après, et il enchaîne. Je sais que Oday, les textes d'Oday sont très très bien à chaque fois. Mais c'est vrai que du coup, j'ai du mal à accrocher sur le rap en basque en général, parce qu'en concert, moi, le rap, ce qui me plaît, c'est les paroles. Et donc du coup, j'ai du mal à tout saisir de suite. Mettre dedans, ouais. Donc c'est vrai que je suis pas le premier client, mais et en plus de ça, j'avoue que moi j'aime bien l'instrumental classique ouais. Et en fait parce que dans le rap je considère que le plus important c'est le texte, et donc du coup l'instrumental, j'avoue que j'aime bien un truc assez simple derrière, mais mm-hmm. Après c'est vrai que ça rend hyper bien le truc, mais moi je préfère des trucs tout simples. Alors que moi, pour le coup, je suis vraiment à l'inverse. J'ai beaucoup de mal. En fait, les paroles, c'est pour moi vraiment pas le plus important. L'important c'est plutôt la sensation générale de, du morceau. C'est pour ça que j'ai du mal avec le rap, à moins qu'il y ait vraiment des grosses instrumentales qui sont vraiment méga bossées. Généralement c'est des boucles et du coup une fois que j'ai écouté la boucle trois fois, j'en ai marre. Et là pour le coup j'étais curieux de voir ce que ça donnait avec de vrais musiciens sur scène. Ils sont 6 quand même en tout, et c'est pour ça qu'Aïcha j'étais un peu déçu, parce que justement je trouvais que les musiciens faisaient office de presque de bande son de luxe, mais pas vraiment de vrai groupe qui accompagnait Odey au chant. Et du coup il y avait Odey qui était vraiment devant, les autres vraiment derrière, et je sais pas, je trouvais pas que la plus-value était exceptionnelle. Là pour le coup je trouve qu'il y a vraiment du mieux. Après comme je disais, je les ai vus pour le premier concert en 2022 à HH, donc été 2022. Là on est presque un an et demi après, et je suis allé voir sur Instagram, il y a eu 2 photos entre temps, et en fait je me demande si c'était pas juste une espèce de test. Je crois qu'il y a quelques membres qui ont changé depuis, et donc peut-être que là ils sont enfin prêts à relancer le projet, parce qu'ils annonçaient leur premier concert là bientôt, sachant que moi j'ai déjà vu. Et donc j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être une restructuration, une repensée pour Poésie Zéro. Un peu comme Poésie Zéro. Oh là, mais tout est lié, c'est dingue. C'est une boucle comme le rap. Une boucle. Oh, c'est dingue. Oh là là, mais toi tu joues avec les expressions comme ça là, c'est dingue ce que tu fais. Bah, c'est beaucoup de questionnements que tu pourrais peut-être trouver des réponses en faisant une pochette avec eux. Éventuellement. Ouais, une pochette, un silence. Un silence, ah oui, c'est vrai, ça change. Ou un bossant de tes sujets avant de les présenter. Aussi. Mais j'ai failli demander, envoyer un message à Odey pour en savoir plus, et je me suis dit que c'était pas forcément le format pour ça. Ouais. Que l'idée c'est juste de recommander des choses. Peut-être qu'un jour je lui demanderai de passer au studio, puis voilà. On va discuter tranquillement. Mais je prends. Non, après. Non, mais l'instrumental était bien. Je pense le rap est très bien. Mais. Tu vois, je préférais une boucle derrière. D'accord. Bon, vraiment. Après, c'est plus. Pour le coup, ça, c'est un projet parallèle à ce qu'il fait tout seul. Oui, j'entends bien. Donc, pour le coup, si toi, t'aimes les textes et que t'aimes les boucles, Odey est fait pour toi. Oui. Odey, donc Odey. Je l'ai vu à IHCETA. Ouais. Odey, du coup, si vous voulez chercher. Donc, c'est le chanteur tout seul, pour le coup, qui, je crois qu'il fait d'ailleurs lui-même ses prods et tout. Et moi, qui suis plus dans la musique, c'est vrai que là, pour le coup, cette chanson-là, j'ai bien apprécié. Même si je trouve que c'est encore presque pas assez, que Odey est presque encore trop mis en avant au chant par rapport aux autres, un poil trop. L'équilibre, on y est presque, mais que c'est pas encore exactement ça. Mais dans le rap, t'es obligé de mettre en avant le texte, c'est pas la forcément. Base. Ouais, mais tu peux aussi. Ouais, mais là, c'est même au niveau du mixage, et je trouve qu'Odey est très fort par rapport aux autres, et en même temps, ils peuvent complètement réinventer le truc et se dire que l'échange peut être un peu plus dans le sens aussi. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est Odey qui arrive avec déjà une idée. D'où le côté très. Très production rap, même dans la chanson. Mais tu voudrais que les musiciens proposent quelque chose à Odey plutôt que c'est Odey qui propose quelque chose. J'aimerais voir ce que ça donnerait, en fait. Si c'était comme ça, alors c'est peut-être le cas, hein, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même Odey qui arrivait plus ou moins peut-être avec une prod presque déjà faite, tu vois. Mm-hmm. Avec juste un truc très simple pour donner une idée, avec les pauses à ce moment-là, etc. Et que les musiciens se sont dit, tiens, ok, on a ces accords-là, on va compléter, on va musicaliser tout ça. Mm-hmm. Et j'aimerais voir ce que ça donnerait dans l'autre sens. Parce qu'en plus, c'est des musiciens qui sont reconnus au Pays Basque. C'est marrant que tu aies cette impression-là, parce que moi, en écoutant, j'ai eu une impression tout autre. Bon, okay. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, que ce soit joué instrumentalement, et puis ça joue, c'est carré. C'est démonstré tout ça. Ah oui, c'est démonstré, c'est carré, c'est propre. D'ailleurs, Pierre Sangla, batteur de Setkin. Qui s'est pété le pied. Oui. Du coup, c'est bien lui, j'ai eu confirmation. Avec Mathilde, ce week-end, on s'est vu et puis on a eu. J'avais une information, je savais pas trop qu'il y avait quelqu'un qui s'était cassé le pied de cette kine, sauf que je sais pas, c'était une photo sur Instagram. On s'est posé la question, on l'a posé la question. Et du coup, je suis en train de dire, parce que là, je crois que j'ai vu que Awen, ils avaient leur premier concert du Kuandai début décembre. Ouais. Si le batteur a un pied pété, est-ce que ça va le faire ou pas? Bah, ça dépend quel pied, parce qu'il y en a un qui peut plus gêner que l'autre, effectivement, mais bon. Mais bon, voilà. Mais. Bon, déjà, bon, ça joue de ouf, apparemment, un super musicien. C'est de la chimie. Moi, comme biche, j'apprécie les textes, aussi les paroles dans le rap. Là, moi, je comprends rien au basque, donc effectivement, je sais pas ce qu'il raconte. Mais par contre, j'ai trouvé que les mots, et du coup, plutôt les syllabes ou quoi, ça collait bien, c'était cool, c'était très, très, très bien. Et j'ai trouvé, en fait, que. Musicalement parlant, même si c'était, ouais, il y avait une identité rap avec un peu de drill et tout ça sur les charlets, tout le bordel, il y avait je me suis posé la question pendant le morceau. Ouais, ils ont dû arrêter un truc à un moment donné parce qu'il faut enregistrer quelque chose, il faut l'arrêter. Ouais. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un espace phénoménal pour pouvoir aller beaucoup plus loin en live, ouais. Proposer des parties de un peu plus, je sais pas, sans voix et rien, juste instrumental, ceci, cela. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et en plus, grâce au violon, d'ailleurs, même j'étais surpris à un moment donné, j'ai fait putain, mais c'est un violon ça, mais ça sonnait comme un saxophone soprano, mmh. Avec une bonne réverb des familles, quoi. Et j'étais là, putain, mais là en live, s'ils se permettent une partie juste instrumentale, bah, par exemple, non, Oday, il s'appelle ça le chanteur, s'il a fini sa partie et qu'il laisse un espace avant de reprendre, je sais pas, le dernier couplet ou quoi, là il pourrait s'amuser à tourner autour de ça, parce que cette ambiance un peu comme j'aimais dans Portishead, Massive Attack, mm-hmm. ou quoi, tu vois, j'ai retrouvé ça dedans, et j'ai bien aimé, et qui est envoûtant, et je me dis, là ils ont quoi faire de... Je pense qu'en live ça doit être quelque chose à voir, quoi. Mais du coup, ouais, mais enfin, j'espère. Je me dis que c'est peut-être pour ça que ces derniers mois on les a pas vus, peut-être pour reprendre un peu le truc, parce que j'ai l'impression que de l'avis général il y avait ce tout petit manque en live des musiciens, quoi, qu'ils étaient vraiment enfants. Et ce qui me fait penser, en fait, j'ai cette réflexion maintenant, que c'est Oday qui a amené le truc, c'est qu'en fait même l'instrumental, même la musique est très Oday, très ce côté, enfin c'est les tempos d'Oday sur une ambiance qui fait très Oday, espèce de petite mélancolie assez calme comme ça. En fait, Oday, même Bissio avant, il y avait beaucoup ce genre de d'ambiance. C'est peut-être pour ça aussi que ça me fait beaucoup penser, enfin ça me laisse croire que c'est Oday qui est venu amener le truc. Moi, si j'ai une suggestion à faire, je sais pas si ils m'écouteront. J'ai cru à un moment donné que ça allait venir. J'ai dit, putain, ouais, ça serait bien. Bon, c'est pas venu. C'est que qu'il y ait une partie, je sais pas, un passage où il chante un peu plus qu'il rappe, tu vois, qu'il y a un peu plus lyrique, je sais pas comment dire ça. Mm-hmm. À un moment donné, j'ai cru que ça venait parce qu'il faisait plus traîner ses syllabes, le son de ses syllabes, et ouais. Du coup, ça faisait un peu plus chanter. Et parce que je pense que là, le morceau, franchement, amenait un peu à ça. Pas mal de rappeurs le font, même Orelsan sur ses derniers albums le font, chante un peu plus sur certaines parties qu'il ne rappe. Ouais. Ouais, moi ça me gonfle. Ce mode de chanter, tous les rappeurs se mettent à faire à moitié de la pop, ça me gonfle. Ah oui, non, voilà. Moi, non, mais alors, il y a le faire tout le temps ou pas, mais là, je pense qu'il y avait y a des petits moments où il aurait pu le faire, parce qu'en fait, il y avait le violon derrière qui a amené ça un peu. Tu sais, se marier avec le violon, la mélodie violon, je pense ça aurait pu. Mais après, ça, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais après, j'ai trouvé, dans tous les cas, très très bien, très très bon, quoi. Non, mais parce qu'Oday, il vient des Berchou, il faisait des Berchou à la base. Oui, sa Berchou, allez, oui. Donc, du coup, c'est vraiment le texte, son point fort, quoi. Mais de toute façon, même avec Bissio et même avec Oday, les rares fois où il y a une mélodie, enfin, c'est rentré. Il y a un petit truc mélodique vite fait dans la voix, mais ils vont jamais plus loin, quoi. Enfin, Oday ne va jamais plus loin. Mais moi, et c'est vrai que ça ferait peut-être bizarre d'entendre chanter Oday. Ouais. Mais ça va finir par faire de la pop si on commence à chanter. Alors, de la part des musiciens, ça m'étonnerait. Mais par contre, effectivement, peut-être que si Oday chante pas, peut-être que laisser la place à d'autres instruments, à la guitare, au violon, au synthé, de prendre un peu plus de place en ce moment-là et d'amener un truc plus musical, une petite partie plus musicale pour après reprendre, pourquoi pas, le rap, ou j'en sais rien. Mais moi, le petit bémol que j'ai sur cette chanson-là, c'est que on sent qu'il y a un énorme potentiel musical derrière, et je trouve que c'est presque un peu trop éteint, quoi. Ouais, freiné par la structure de rap, drill, ouais. Voilà. Mais je pense, alors je me trompe peut-être, hein, que comme j'ai dit, ça a été arrêté parce qu'il fallait enregistrer un truc, et donc il faut poser quelque chose, à un moment donné, il faut le cadrer, quoi, l'arrêter. Mmh. À voir en live, en fait. Ouais. Voilà. On va s'arrêter sur ça ? Ouais. Ça fait plus de 2h, 2h10. 2h10. 2h10, on a battu un record, les gars, là. Ouais, enfin, avec tout ce que tu vas couper. C'est clair. On va redescendre à 1h20. C'est clair, ils vont pas comprendre. T'es 2h10, mais Michael fait 1h20. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Ils ont pas des beats une seule fois ? Oh. Bah ça, en plus, tu l'as déjà dit, en plus. Toi, tu t'en souviens même pas. Toi, si. C'est tellement naturel dans ton langage que tu remarques même plus quand tu le dis. Toi, au boulot, je suis 7 heures à côté de certaines personnes. Ils me disent, on en peut plus. On en peut plus. Oh, les pauvres, j'imagine. Merci en tout cas, on se retrouve dans un mois avec vous, avec d'autres, je ne sais pas, selon dans le groupe, parce qu'on a un petit groupe, un salle de discussion, selon ceux qui se motivent à venir ou pas. Merci en tout cas pour vos recommandations. J'espère que vous avez trouvé quelque chose d'ici un mois, si vous venez. Mais, oh, ça joue le temps. Il y a toujours. Non, on n'a rien comme ça. Et au dernier moment, on trouve toujours quelque chose. Bah, c'est ce que je disais hier à Manuela. Ah oui, parce qu'on s'est vu hier avec Mathilde et Manuela pour le roller derby. Pour le petit match amical de roller derby que cette année encore, j'espère vous diffuser au moins la dernière partie, qui sera anglaise. Ouais, c'était très bon match d'ailleurs. Ouais, très très bon match. Et du coup, je disais à Manuela, mais j'ai le cul bordé de nouilles, comme on dit, parce que je ne sais pas trop quoi faire comme sujet. Et là, pam, ça me tombe. Bah, je sais pas, je suis en train de scroller sur les réseaux ou quoi. Et tac, t'as des trucs qui me tombent tout cuit. Parce que j'ai fait un truc, je sais pas si vous le faites, sur Instagram par exemple. Bon, tu suis des comptes en général. J'ai pas Instagram. Mais tu peux suivre les hashtags. Des thèmes bah, que tu... Je suis déjà pas de compte. Alors. Ah, voilà. Et donc moi, j'ai mis des hashtags de choses qui m'intéressent. Et je sais pas, tu mets hashtag musique ou hashtag livre, enfin voilà. Et du coup, bah, après, dans ton scroll, quoi, t'as des résultats en rapport. Et comme je suis un peu curieux de tout, j'ai un peu tout et n'importe quoi. Et bah, c'est comme ça que j'ai découvert intéressant. Intéressant, ouais. Ah, voilà. C'est tombé tout seul, quoi. Ben, moi, je fais pareil sur Facebook. Tu sais, le midi, je regarde des vidéos. Et puis le soir, quand je vois, du coup, ce que Facebook te propose d'elle-même par rapport à ce que tu regardes, je me dis, waouh, quel gros blaireau t'es, Michel. Quand trois vidéos d'affilée, tu vois, c'est des pranks pourris où les mecs sont en train de péter en pleine rue. Et que tu te dis, mais vraiment, pourquoi on te propose ça? Vraiment, après, tu t'imagines? Il y a des vidéos qui sont débiles sur Facebook, qui sont fascinantes. Tu sais, les mecs, ils te défoncent une chaussure pour te faire un pichet. T'as ouais, c'est mais... nul. Et pourtant, tu restes scotché, hypnotisé à ce truc scotché. Nul. C'est ça. Et tu le sais que c'est lui pour te regarder. Mais t'as envie de savoir parce qu'au début, ils te disent pas ce qu'ils font. Donc t'as envie de savoir ce qu'ils font et ils te révèlent qu'à la fin, ce truc nul, c'est tout en nul. Voilà, donc pas arrêter les réseaux sociaux, c'est nul. Allez seulement sur radionoculture.wordpress.com et vous aurez tout. Arrêtez les réseaux sociaux et commencez le rosé social. Oh, joli. Eh bien, je crois que ça va être le mot de la fin. Merci. C'était en Bretagne, on nous avait dit ça dans des petites îles de Bretagne. Vous avez dit, ici, on n'a pas les réseaux sociaux, mais on a le rosé social. Ce sera la fameuse île où il y avait 4 pubs pour 50 personnes. Exactement, sur l'île d'Edic, qui est la commune, je crois, qui a le plus de bars par habitant. Et donc, du coup, on est en bateau et puis on nous avait dit qu'il n'y avait pas internet. Donc, du coup, la fameuse réseau social, rosé social. C'est joli, il dit là. Non, mais c'est joliment trouvé. Il va falloir arrêter de traîner dans les PMU, Seb. donc, radionoculture.wordpress.com pour réécouter cette émission ou écouter tout plein d'autres émissions ou même écouter l'émission en direct, l'émission de la radio en direct. Vous avez aussi des accès vers notre Spotify sur laquelle on a une petite playlist où on met toutes les choses dont on parle dans les émissions. Donc là, les chansons qui sont disponibles sur Spotify, vous les aurez dans cette playlist. Mais aussi, quand on fait des interviews, tout ça, il y a tout ça là-dessus. Si vous voulez nous écrire et donner une bonne blague à Bichente, par exemple, Radio Nos Cultures, au pluriel, tout attaché, @gmail.com. Ça me ferait vraiment plaisir qu'il y ait quelqu'un qui m'écrit, franchement. Pour l'instant, c'est pas arrivé. Ouais. Si, il y a quelqu'un qui avait laissé un commentaire sur Guillaume Canet. Non, c'était Guillaume Canet. Ah, c'était Guillaume Canet lui-même. Guillaume Canet lui-même qui a mis un commentaire. Ah oui, c'est vrai. C'était incroyable. Hein. Ouais, c'était incroyable. Halluciné. Je pense qu'il m'avait entendu un petit peu. Bah, ça doit être ça. Je pense qu'il était fan de toi, du coup. Je laisse un commentaire pour qu'il sache. voilà, je vous remercie. Je remercie aussi Manuela qui était avec nous tout à l'heure et qui a dû retourner. Faire ses passes, travailler, faire des pompes et des squats. Et voilà, merci. On se retrouve nous la semaine prochaine pour Chronobio. Et voilà, bonne soirée, bonne fin de semaine, bon début de semaine si vous nous écoutez plus tard, etc. Salut. Bye bye. Salut.